Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy, c'est génial, numéro 46. Incroyable. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Nous écoutions donc le morceau Full of Grace de Sarah McLachlan, un morceau évidemment tiré de l'épisode du jour, l'épisode qu'on va commenter, parce qu'on va commenter aujourd'hui Becoming, le double épisode final de la saison 2. Je suis bien évidemment Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné ce soir de Riley. Comment ça va, Riley ? Bonsoir, bonsoir Sartman. Pas de Clément, à qui on fait un énorme bisou. Reviens vite, mon Clément. Et nous avons un invité incroyable, Balthazar. Bonsoir. Comment ça va ? Un peu intimidé, mais intimidé. Très heureux d'être ici. Salut Balthazar. Pour remplacer Clément, que vous avez salement viré quand même. Bah, il était là en fait il y a deux minutes. Quoi. C'est vraiment pas chaud. Ouais. Je crois que c'est fait moi virer qui il y a deux minutes en fait. Il n'y avait pas assez de bière pour tout le monde, donc on a tué courte paille. Balthazar, tu es réalisateur et oui. Tu es également fan de Buffy, je crois, c'est ça hein. Alors, plus d'Angel. Non, pardon. Oui, non, effectivement, je suis ultra fan de Buffy. Ça y est, c'était sûr. Alors, sur le chat, on nous fait remarquer, il y a bonsoir le chat aussi. Oh là là, Riley, vous parlez beaucoup plus fort que pendant les tests micro. Parce que je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que Big N nous dit sur le chat Balthazar comme dans Charm. Celui de Charm. Voilà, on me l'a absolument jamais fait. On en parlait juste avant que l'émission commence. Voilà. C'est vrai. Mais pourtant, je ne suis pas un grand fan de Charm. D'accord. Je ne déteste pas Charm. Mais ça n'a rien à voir avec. Pour moi, le duel Buffy-Charm n'a pas lieu d'être. Okay. Alors, il y a des gens qui commencent à se déconnecter de notre chaîne YouTube. On précise tout de suite qu'on ne va pas parler de Charm dans oui. ce podcast. On est d'accord. Hein. Ne partez pas. Je ne suis pas non plus un démon, quoique. On va parler de Buffy. Et de quoi d'autre on va parler, Riley? Est-ce que vous avez fait un petit sommaire, peut-être? Alors, ce soir, on va faire des gros coucous. qui va remplacer la rubrique des gros bisous. Hein. Pas de bisous. C'est rubrique des gros coucous. Ça va, Pat? Ensuite, donc ce sera la rubrique actu avec Big Game. Il parle tellement plus fort que pendant les tests. Il est scandaleux. Mais surtout, tu expliques pas pourquoi on fait des coucous à la place des bisous. Oh bah les gens savent, tout le monde est au courant, tout le monde a peur, la France a peur, Balthazar. Mais, oui, mais quand on réécoutera ce podcast dans un an et qu'il restera quand même quelques personnes sur Terre. Raison, voilà, on est sur le live. Et bah oui, c'est interdit de se toucher maintenant à cause du coronavirus. Donc pas de bisous, interdiction de bisous. Gros coucou. Ensuite, j'ai perdu le fil déjà, ça commence très très bien cet épisode. Hein. C'est de ma faute. Donc ensuite, comme tu l'as dit, nous commenterons les deux épisodes de Buffy Becoming 1 et 2, donc ça a été un podcast double. Ouais, je suis très honoré d'être invité à un double épisode. Ouais, non, c'est pas souvent qu'on fait ça. Ça va être très long préparé. C'est le la deuxième fois qu'on le fait. Donc dans cet épisode, nous parlerons évidemment de Angel le gros pervers, d'existentialisme, de flashback. On va parler des grands moments de la vie, on parlera même de mise en scène, de musique et de Monsieur Pointu. Ensuite, on va chialer évidemment. Oui, ça j'ai prévu, ça, prévu de pleurer énormément. Il y a des mouchoirs ici. Et ensuite, ce sera ta rubrique, Balthazar, rubrique de l'invité. Ouais, j'ai super préparé. Hein. Et on terminera par la rubrique des items Buffy, tu vas aimer ça. C'est un très long sommaire, hein. Il y a beaucoup un de choses. Un programme choses bien bien chargé, je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons et en direct pour mieux comprendre et apprécier la série. À sa juste valeur. À sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, bah vous nous le dites et on se chargera de le mettre. Vous avez des versions vidéo sur YouTube et Dailymotion. Je vous rappelle le blog aussi, notre blog sur lequel vous pouvez trouver tous nos liens pour nous suivre. Ça s'appelle pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et vous pouvez même nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show et groupe13.fr. On peut inviter les gens sur le Discord aussi de l'émission. Le lien pour accéder au Discord, donc qui est une application d'échange de messagerie. Hein, sur, ouais, ouais, de forum. Bah c'est une sorte de forum autour de Buffy, là, on se marre bien sur le Discord, rejoignez-nous. Et bien le lien est sur pourquoibuffycestgenial.wordpress.com. C'est le moment de passer au gros coucou alors. Ah oui, gros bisous, les gros coucous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her again and raise you a... She bathes you? Nothing can defeat the penis. Et oui, gros bisous, les gros bisous, les gros coucous, hein, parce qu'on est en période de pandémie, faites attention, sortez couverts. Des gros bisous iTunes, déjà je commence à Juju Petit Chat du 64, qui nous a mis 5 étoiles depuis la Chine, figurez-vous. Pandémie, pandémie. Hein. Juju Petit Chat. Alors c'était avant le corona machin, là, je crois. Un autre gros bisou iTunes pour Edwige, qui en plus de nous donner 5 étoiles, ah oui voilà. Edwige nous demande, nous pose une question. Donc je m'adresse à vous deux. On est trois spécialistes, il va falloir qu'on réponde à sa question. Le chat aussi, vous pouvez nous aider. Edwige pose une question avec sa sœur à propos d'une phrase prononcée par Spike en fin de saison 6, lorsqu'il quitte Sunnydale sur sa moto. Il dit en VF, à tueuse, tu auras ce que tu mérites. Voilà. Sauf qu'en VO, il dit, things are gonna change. Les choses vont changer. Et donc il y avait débat entre les deux sœurs sur qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que en partant il voulait trouver quelque chose pour faire du mal à Buffy, ou est-ce qu'il sous-entendait qu'il allait avoir son âme et que ça allait bien. Moi ma théorie c'est que la VF a fait de la merde. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça oui. Peut pas dire la même chose, mais... Surtout que son but c'est de se faire retirer la puce. De récupérer son âme surtout, non? C'est pas ça? Non, la fin de saison. Ah, si. Pour moi, le fait qu'il récupère son âme, c'est un truc qu'il n'avait pas prévu, en fait. Ah, donc il y a vraiment débat, alors. C'est une espèce de malédiction, en fait. Non, parce qu'il va là, il se bat et tout, machin, il se bat pour pouvoir réaliser un souhait ou je sais pas quoi. Bah, mais c'est pas précisément récupérer son âme. À mon avis, il ne s'attendait pas à récupérer son âme. Ah, bah tu vois, Edwige, il y a débat. Revisionnage. Ouais, ça demande bon, revisionnage, là. Ouais. Mais donc, ouais, on essaiera de d'élucider ça, parce qu'apparemment, il y a débat même au sein de nos experts. Gros bisous à Anne-Laure, à Tilly, à Madeleine pour leur adorable message sur Facebook, parce que tu vois, Facebook fonctionne encore, Balthazar. Il y a des gens qui nous contactent via ce réseau social. Un gros bisou à Mylène qui a eu l'excellente idée d'écrire un article sur Buffy pour le site Terra Femina. On vous mettra évidemment le lien dans la description de ce podcast. C'est un article intitulé « Pourquoi Buffy reste une série iconique ? Les fans racontent ». Et en plus de ça, Mylène a eu l'excellente idée de m'interviewer. Parce que quand les... Ah oui, bah, carrément, d'accord. Les fans racontent, bah, je fais partie de ces fans qui racontent. On vient te chercher, quoi, carrément. Et je suis une méga star, un petit peu. Hein. Donc elle est sartoise, cette Mylène, ou... rien à voir. Non, c'est une personne de goût, tout simplement. Donc j'ai fait partie des quelques fans interviewés donc, pour cet article, qui a été donc aussi fait à l'occasion du marathon, hein, Buffy et Riley, dans lequel on était. Tout à fait, on fait des gros bisous aux gens du marathon, on n'a pas couru, hein, je vous rassure, on était au marathon Buffy. T'as l'air encore essoufflé pourtant. Oui, ça n'a rien à voir, c'était un peu en retard. Marathon Buffy à la Cinémathèque, Buffy sur grand écran pendant 12 heures, c'était génial. Il y avait 10 épisodes 12 Je crois, ouais, 10 ou 12, on sait pas trop, on se rappelle plus. Et on a revu plein de fans de Buffy donc, qui étaient là, et c'était mortel, hein. Grand moment sur grand écran. On a un énorme bisou à faire à Vainelli, notre auditrice du bout du monde, notre auditrice de Tahiti, qui nous a envoyé un cadeau. Enfin, plusieurs cadeaux. On a un colis qui vient d'arriver de Tahiti, qu'on va ouvrir en direct. Alors pousse-toi. Ouais. Ah. Attention, c'est très lourd. Donc c'est ça. C'est ça. C'est bien, ça. Partage. Il n'y a pas de caméra. Il y a plein de trucs à ouvrir. On va donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir, il faut décrire ce qu'il y a dedans. Vainelli. Plein de trucs, il y a plein de petits cadeaux. C'est le podcast. Alors je crois que c'est que des cadeaux. Comment dire. Non comestibles. Non mais à la gloire de Tahiti, c'est pour nous donner envie d'aller visiter Tahiti. Ah, moi j'ai un jeu de cartes. Un jeu de cartes Bora Bora. J'ai un mousqueton, un porte-clés mousqueton. Ah, j'ai du Monoï. Ah, bah oui. Génial. Le soleil. Génial. Mais Nelly, merci. Attends, mais. C'est incroyable. Un super Monoï qui sent très très bon. Un calendrier de Tahiti. Ah ouais, avec des superbes photos. De 1980. Ah oui, d'accord. Ouh, un peu olé olé. Des Tahitiennes qui posent. Non, non, mais ça y est, on est convaincus. Alors, je crois qu'il faut qu'on fasse un podcast là-bas. Il faut absolument qu'on vienne à Tahiti. Il y a encore des cadeaux. Il y a une sorte de bière. Il y a une bière Tahitienne sous forme de magnette. Génial. Et ben donc des énormes bisous à Vainelli. Et donc n'hésitez pas, vous, à nous envoyer des cadeaux. On adore recevoir des cadeaux. Savon, je crois. Je continue les gros bisous. On fait un gros bisou à Marjorie, avec qui on a bu des Monaco, et à Julien qui nous écoute, et entre deux matchs de catch, parce que Julien est également fan de catch. Et pas pendant les matchs, entre les matchs. Entre les matchs, bah oui, faut faire deux choses différentes. Et pas pendant les podcasts. Et je te promets, Julien, il ne sera pas de question de robot dans cet épisode, donc tu peux regarder sans crainte. Un briquet, oula! Bah je. Et un briquet excellent, voilà. Un briquet quoi? Un briquet Tahiti? Avec une Tahitienne. Et il marche! Voilà, pardon. Ouais, il est très joli. Ouais, très beau, ouais. Très bien. Riley, vous aviez très des gros bizarre. Bisous à faire ou pas? Alors oui, je voulais faire des gros bisous. Un gros bisou à Kairis, qui a fait un bingo. Je sais pas si tu l'as partagé sur les internets. Oui, oui. Il est loin de son micro, mais il oui, dit oui, dit-il. Kairis, incroyable, gros bisous, merci. Il a fait un bingo sur l'émission, donc allez-y sur Twitter. Et on fait aussi des gros bisous. Donc bah oui, ça je l'ai dit aux fans de la Cinémathèque, on l'a vu. Et gros bisous à Clément aussi, hein, qui nous manque. Balthazar, est-ce que t'as des gros bisous ou des gros coucous, hein, pour éviter la contamination? Oui, plus des coucous quand même. Alors j'embrasse mon papa, ma maman, prudent. Sans qui je ne serais pas là ce soir. Et toi, t'es réalisateur, on l'a dit ou on l'a pas dit? On l'a dit, oui, on l'a dit. Puis on n'est pas encore à la rubrique moi, M-O-I. Parce que là, c'est l'heure de la rubrique actu. Si vous avez fini vos gros coucous. C'est parti, ouais, d'accord. Oui, rubrique de Big Game là. C'est parti pour la rubrique actu. Ah, non, Balthazar, quelque chose. J'ai embrassé Emric et Zelda qui est quand même la connexion. Quand même, qui est sans qui je ne serais pas là ce soir, vraiment. Et sans le Saint-Sylvestre. Et il faut faire un gros bisou aussi. À la Saint-Sylvestre. Oui, alors j'embrasse tous les Sylvestres. On fait un très bon nouvel an avec Balthazar, c'est pour ça. Donc c'est parti pour la rubrique actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. One more. That's the prophecy. Five people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Donc oui, comme vous le savez depuis maintenant plusieurs numéros, hein, c'est devenu une habitude, Big M, notre quatrième mousquetaire, nous fait une rubrique actu sur donc, l'actualité de notre série préférée. Je lui fais un petit peu de place. Il arrive en direct de l'Est. Que deviennent les acteurs, les actus conventions, les actus sur la série, le reboot, tout ça. Et c'est de l'efficace, c'est du parfait, c'est tout savoir sur l'actualité de Buffy 20 ans après. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Big M. Hey, c'est Big M de retour pour la rubrique Actu. Commençons par faire le point sur les occupations actuelles ou récentes de nos comédiens adorés. Christian Kane, alias Lindsay McDonald dans Angel, est apparu dans un épisode de la saison actuelle de Supernatural. Si vous voulez entendre un peu la voix de Julie Benz, dont on se rappelle pour son interprétation de Darla, je vous invite à écouter le podcast audio de Michael Rosenbaum qui s'appelle Inside of You. Allison Hannigan va prochainement retrouver Jason Biggs et Eddie K. Thomas, deux de ses anciens camarades de la saga American Pie, dans la série Outmatched sur la Fox. Pour le moment, on ne sait pas encore si ce sera pour un épisode ou plus. Une nouvelle série Masters of the Universe va voir le jour sur Netflix, et c'est notre bien-aimée Sarah Michelle Gellar qui y prêtera sa voix à la guerrière Tila. Pour finir, il paraît que Tonton Giles, Anthony Stewart Head, est motivé pour revenir dans le nouveau projet Buffy, qui à ce jour est toujours aussi flou et pour l'instant toujours encore qualifié de reboot. Les lecteurs francophones de comics peuvent se réjouir. Panini Comics a commencé à éditer le reboot de Buffy de chez Boom Studios en français. Le premier volume est déjà disponible. Un fan-film Buffy est dans les tuyaux. Il sera réalisé par Antoine Vibeau et produit par l'École supérieure de l'image et du son. On termine cette rubrique actu avec une news convention. Après Elizabeth Ann Allen, c'est au tour du scénariste et producteur David Greenwald et Claire Kramer alias Glory de se joindre à la Back to Sunnydale de Big Bad Convention les 7 et 8 novembre 2020. A très bientôt et à vous les studios! Non, mais surtout à noter que Big M nous parlait à la fin des conventions, hein, de l'actu convention. On va en profiter pour faire un concours, mais avant, donc, vous vouliez nous parler du bah, chat alors. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chat pendant la rubrique actu, messieurs? Ah, bah oui, on va, c'est Shin. Ah, ça marche plus. Shinozo, donc. Shinus. Qui dit que le but premier de Spike c'était de redevenir comme avant. Et que du coup, il récupère son âme, mais c'était mais pas sans ce le qu'il vouloir. Mais c'est pas ce qu'il avait prévu. Pour moi, redevenir comme avant, c'était redevenir le badass méchant qu'il était, un vampire méchant. Voilà. Ah. Et que du coup, le twist, c'est à la fois pour nous spectateurs et pour Spike lui-même quand on lui redonne son âme. Et ben j'avais jamais pensé à ça. Ça m'a l'air vraiment probable. Hein. Ouais, c'est intéressant comme lecture. Parce qu'en plus, Buffy lui a reproché d'être trop un toutou gentil, donc c'est pour ça qu'il veut redevenir méchant. Voilà. Bon, c'est Shin Neoson qui nous disait ça. Ah, Shin Neoson, merci. Big M nous parlait de l'actu convention de Buffy. Parlons-en, l'actu convention. Durant la dernière convention Buffy CloudsCon, on a récupéré, enfin grâce à Agathe, Agathe nous a offert de magnifiques photos dédicacées qu'on va faire gagner, Riley, c'est ça hein. Tout à fait, alors on a même d'autres cadeaux aussi. Ça c'est d'abord la CloudsCon, ils nous ont donné 5 photos dédicacées par les acteurs. Qu'on va vous faire gagner à vous, chers auditeurs. On va vous faire gagner à vous, et on a décidé que c'était sous forme de tirage au sort, c'est ça, au moment où le podcast va sortir. Oui, c'est vrai qu'on n'en a absolument pas à reparler avant l'enregistrement. Ouais, bah, je te le dis alors. Donc voilà. Et bah ces photos là on va faire un tirage au sort au moment de la sortie du podcast pour gagner ces photos, donc cool. Donc on fera un tweet, un post réseaux sociaux. Et pour les gens qui sont en direct, puisqu'ils sont incroyables, on fait gagner autre chose. Ouh. Si personne ne trouve, hein, ce sera pour la sortie du podcast aussi. Parce que c'est le grand retour d'une énigme de Tonton Giles. Ah, l'énigme de Tonton Giles. Donc j'ai absolument pas prévu le jingle. Je vais mettre en post-prod. Ah, donc on fait une pause pour le jingle. Tout de suite un jingle. Je voudrais t'écrire les mots vrais, guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non! C'est pas ça. Énigme de Tonton Giles. Ah oui, énigme de Tonton Giles, parce qu'il y a un super cadeau à gagner là. Tonton Giles, s'il vient pas les mains vides. Alors qu'on explique le cadeau, parce que les cadeaux nous sont offerts par les amis de Buffy Angel Show, qui fêtent leurs 20 ans. 20 ans, vous rendez compte? 20 ans d'existence. Et Buffy Angel Show, c'est donc un site internet qui regroupe toute l'actualité, plein de choses, plein d'encyclopédies aussi, plein d'analyses, même des interviews sur Buffy. Vrai, plein d'interviews aussi. Plein de choses très très cool. Et ils fêtent leurs 20 ans. Ils vont les fêter même le 30 mars pour être précis. Il y aura, suivez-les. Il y aura d'autres cadeaux à gagner avec eux. Mais là, déjà en avant-première sur pourquoi Buffy c'est génial, à gagner grâce à eux. Qu'est-ce qu'on a à gagner? On a gagné un comics en VO, il me semble, sur Spike. Tout à fait. Du reboot, hein, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs en fin de mission. Reboot? Du reboot en comics, ouais. Une sorte de reboot en comics. On en parlera tout à l'heure. Ah bah, et une photo de James Masters dédicacée aussi. Qui sera avec ce comics. Donc c'est un très beau cadeau là que Tonton Giles. Super cadeau. Et Buffy Angel Show nous ramène. Comment on fait pour gagner ça, Riley? Alors il faut répondre à cette énigme. Alors peut-être si elle est trouvée en direct, on va guetter le chat. Ah, attention, c'est une énigme de Tonton Giles, hein, c'est très dur. Oui, je sais. Ou pas. Des fois, déjà, j'arrive pas à me réveiller parce qu'il fait nuit. On enregistre de nuit, visiblement. Sans lumière, bien évidemment. Sans électricité. Ah oui, ça y est. Ça se passe en début de saison 4. C'est un peu les coulisses, on n'a jamais vu ça. C'est le premier rendez-vous de Tonton Giles et Olivia. Tu te souviens de ce personnage, Balthazar? Olivia, la copine de Giles qui apparaît un peu de nulle part en mode elle sort de la chambre d'ailleurs. C'est ça, exactement. Fina Orucci, comme dirait notre ami Big M, qu'on a interviewé d'ailleurs. Allez voir les vidéos sur YouTube. Bref, je m'égare parce que de digression, Giles. L'énigme. Oui, alors l'énigme de Tonton Giles. Il drague Olivia, donc forcément il lui dit je vais te raconter une petite anecdote, une petite énigme. Et il lui dit un jour j'étais dans ma voiture. Et là il y a un homme qui est passé à côté de ma voiture, qui a rayé toute la voiture, qui a brisé une vitre de la voiture et qui est parti. Et moi j'ai rien fait. Tu sais pourquoi? Voilà, c'est ça l'énigme. La vache, grosse énigme. Donc précipitez-vous sur vos claviers. Pourquoi Tonton Giles n'a rien fait alors qu'il était dans la voiture, tu vois? Voilà. Et on s'est fait rayer sa voiture et briser une fenêtre. On est d'accord que lui, il y répond juste après de manière très claire à cette question? Tonton Giles? Oui. Bah bien sûr. Si vous avez la réponse, tu veux répéter l'énigme peut-être? Alors rapidement, Tonton Giles est dans une voiture. il se fait rayer sa voiture par un gars, casser une fenêtre de sa voiture, le mec s'en va et tonton Jace il a pas réagi. Pourquoi? Voilà. Pas évident, pas évident. Si personne ne gagne, ouais, on fera un tirage au sort. C'est bien, voilà. C'est pas grave. Alors on vous laisse répondre, vous prendre la tête bien comme il faut et répondre sur le chat. Riley a évidemment un œil sur le chat. Et tout de suite, pour une fois, on passe à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Épisode du jour, tout à fait. Alors... C'est quoi qu'on regarde alors? Eh bien, ce soir, mon cher Balthazar, nous regardons Becoming Akatla, Akatla en VF. En VF. Épisode 21 et 22, parce qu'on va faire les deux d'un ouh, coup. Ouh, ça c'est excitant. 21 et 22 de la saison 2. Les épisodes sont écrits et réalisés par Joss Whedon lui-même. Un petit pitch, Riley? J'ai préparé un petit pitch. J'espère. Ouais, parce qu'en général, tu en prépares pas, j'ai l'impression. Non, mais là, j'ai... tu vois, regarde. Alors, c'est ce soir, figurez-vous, le combat final entre Buffy, notre tueuse, et son ex Angelus. Vous allez voir, ça va très très loin. Y a des morts, on a peur, même on pleure vers la fin. Même dans cet épisode, on va voir le passé d'Angel. Ouais, le et passé ça, c'est cool. De Buffy. Et le passé de deux autres personnages aussi autour d'Angel. Tout à fait. Tu veux pas spoiler, les gens n'ont pas vu, je pense. Si, on peut spoiler, j'imagine, mais j'ai pas envie de spoiler. Bon, là, c'est le pitch, faut résumer, voilà. C'est le principe. Voilà. On digresse. Hein. Il y aura Willow dans le coma, Alex va être... Alex va faire le connard, comme d'hab. Hein. Et peut-être bien qu'on va commenter là, les deux meilleurs épisodes de la série. Comme vous vous avancez, elle est super pitch. Hein, oui. Non, c'est faux. Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de commencer? Je sens que les gens trépignent sur le chat. Ils ont hâte qu'on lance l'épisode. Personne n'a trouvé la réponse sur le chat. Sur le chat, vous êtes prêts? Sur le chat, ils sont décalés, donc ils sont pas prêts tout de suite. Mais le temps que ça se calme. Est-ce que vous... Il y a plein de bonnes de réponses drôles et tout à l'énigme hein, sur le chat, mais c'est pas ça. Hein. Alors attention. Genre, il n'était pas sommé, non, effectivement. On met en pause l'énigme. Quelques minutes, pendant environ 180 minutes. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Attention, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris. On va lancer l'épisode dans 3, 2, 1. Dope. Il va dire dope. Non, il va me dire hamster. Ou c'est parti. Et c'est parti, ça commence là, on était sur les briques et tout, vous avez rien dit. Bim, première seconde de l'épisode, premier plan sur ce mur de briques qui finalement qui est pas un mur, qui est une route, mais voilà, vous allez voir que la double signification a beaucoup de sens. On a aussi une voix off qui nous dit "There's moments in your life that make you" c'est les moments qui te font ce que tu vas être. C'est la voix de qui d'ailleurs? C'est Whistler. C'est narrateur, ouais. C'est demi-démon. Ouais. C'est de ça que va parler l'épisode, des moments importants, des big moments. Il va y avoir une succession de moments complètement dingues dans ce double épisode, des moments déterminants pour la suite de la série et pour la vie de nos héros. Et là, donc, comme on commence par la vie d'Angel, on est à Galway en Irlande en 1753. Donc oui, c'est important de noter que les pavés étaient en fait un mur, parce qu'on va se heurter à du concret cette semaine, à des obstacles, on va être au pied du mur et il va falloir faire des choix, mais ces briques deviennent une route parce que Angel va être amené à voyager, c'est ça qui est important. Il y a un mouvement de cam qui nous le dit. On découvre aussi Angel différemment de ce qu'on aurait pensé. On voit au départ un mec sur un cheval, on se dit ça va être lui Angel. Et non, pas du tout, c'est le mec qui pique, mais qui est bourré dans le fond. On voit un mec finalement titubé, c'est ça aussi. Le passé d'Angel n'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé au début. Ça va être tout l'intérêt de ces flashbacks, de nous montrer quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Car voilà, en 1753, Angel s'appelle encore Liam, et c'est un jeune trou du cul qui ne pense qu'aux femmes et à la boisson. Donc là, la boisson, il a bien donné ce soir, donc il va s'intéresser aux femmes, et il voit cette jolie blonde au loin, et comme c'est un stalker professionnel, et ben il la suit, et c'est Darla, c'est une vampire. Et il a déjà tous les attributs d'Angel qu'on connaît, les rues sombres, rencontrer une fille la nuit. Il y a plein de parallèles à faire entre la rencontre qu'il fait là à l'instant avec Darla et sa rencontre avec Buffy, autre jeune fille blonde qu'il va stalker 200 ans plus tard. Deux séquences qu'on peut évidemment mettre en parallèle. Et là, attention, il se fait mordre évidemment. Avec une bonne économie sur le trucage, hein, parce qu'on n'a pas vu l'effet spécial du passage au normal. Oh ouais, donc du maquillage. Oui, oui. Ouais. Et oui, il se fait mordre avant. Darla lui a dit de fermer ses yeux, close your eyes, phrase qui sera reprise plus tard en fin d'épisode. Et là, ce plan est formidable avec la calèche qui passe au loin. C'est très important parce que, comme je l'ai dit, c'est le début du voyage d'Angel, sa transformation. Il a dit à Darla, montre-moi les mondes, je veux voir le monde. Elle lui dit, je vais te le montrer. Elle le transforme en monstre, elle le transforme en vampire. C'est sa naissance en tant que vampire et le début de ce voyage. C'est pour ça qu'on a cette calèche qui passe au loin pendant ce plan large. Et on est séquence 250 ans plus tard. Ça va très très vite. À noter que c'était la première fois qu'on voyait un vampire devenir vampire dans la série. C'est la première fois qu'on voit une transformation. C'est des trucs qu'on reverra dans Angel, la série aussi. On avait commenté un épisode The Prodigal où on revoit ses flashbacks. On voit d'autres flashbacks de cette époque, justement, parce qu'il parle de son père, par exemple. C'est un connard et on voit pourquoi c'est un connard. Son père, d'ailleurs, l'acteur a vieilli et c'est pas très raccord. Non, ils ont un peu. Et là, 250 ans plus tard, vous voyez que Angel est toujours un stalker, hein, qui regarde de loin derrière les buissons toujours une jeune fille blonde. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est une des rares séquences où on voit Buffy sans qu'elle maîtrise toute la situation. C'est-à-dire qu'on a une séquence Buffy sans le point de vue, enfin du point de vue d'un autre personnage en fait. Ouais. Et elle se sait pas observer en fait. Ça arrive aussi dans. En général, elle maîtrise. Mmh. On est toujours de son côté et là. C'est un personnage secondaire, on va dire. Et c'est intéressant, c'est que c'est souvent les vampires un peu lubriques qui font ça. Il est observé par l'intérieur d'un caméscope dans l'épisode d'Halloween. Elle est observée par Dracula aussi dans l'épisode de Dracula. Enfin voilà, c'est souvent un peu comme ça qu'elle est observée. Angel, c'est sa spécialité. Angel, c'est un peu sa spécialité. Ouais. Il y a un jeu de mots génial avec le mot finals. Finals, c'est donc on a la fin de saison 2, c'est le final de la série, donc le final. Et les finals, c'est aussi les examens de fin d'année des lycéens. On rappelle que Alex Buffy est aussi lycéenne, elle n'est pas que tueuse. Son lycéen, et il redoute de passer leur finals, il redoute d'arriver au final. Enfin, voilà, les deux significations du mot sont utilisées là. Et Buffy nous dit que ça sera bientôt fini, it all be over soon. Ce à quoi Angel nous valide ça. Et c'est un début extraordinaire d'épisode. On est chaud patate à ce moment-là. On a tellement envie de voir la suite. Est-ce qu'on aura deux génériques ou est-ce que c'est le seul qu'on a là? Non, il y aura le deuxième. Il y aura le deuxième. Oui, on verra tous les ans. Oh là là, priorité au direct. Donc fin de générique, on arrive sur du concret là encore. On est plus face à des briques, mais face à un monolithe. On est dans le dur ce soir, dans le concret. Buffy se frotte à des obstacles qu'on peut qualifier de très très solides, hein, mais qui peuvent s'ouvrir parce que comme j'en fais des caisses, hein, sur ces pavés qui étaient en fait une route. mais là non, c'est pareil. Tout, ce monolithe en pierre très très dur, et on va découvrir qu'il peut s'ouvrir finalement. Et au moment et il y a aussi une porte qui s'ouvre, voilà. Jace arrive par une porte. Enfin, les portes, quoi. J'adore, je suis à fond sur les portes, j'adore les portes. Et voilà, c'est Light ça. My fire, ce monolithe, comme l'étaient les pavés de Galway, sont une invitation au voyage. Ils vont ouvrir vers plus grand que soi. Et ça, c'est Jace qui va le découvrir. Il dit, vous avez essayé de l'ouvrir, ce monolithe, et le type avait même pas vu que ce monolithe pouvait s'ouvrir. Hein. Les portes sont formidables, elles nous ouvrent vers des univers incroyables. En parlant d'ouverture, vous avez jamais été gêné par les crédits qui annonçaient qui allait jouer dans l'épisode? Moi, c'est à la fois un truc hyper excitant et méga spoiler en fait. À chaque fois, je me dis ah putain, il y a machin, puis après, du coup, t'attends son arrivée. Il y a moins de surprises. Buffy, en fait. C'est dans toutes les séries, ça, en fait. Oui, non, je dis ça dans l'absolu. Mais évidemment, dans celui-là, donc là, je crois qu'on voit qu'il y a Ken, il y aura Kendra. On voit qu'il y aura Kendra, Drusilla, Spike et Oz. Et dans l'épisode 2, on voit dès la première scène qu'il y aura. Il n'y aura pas Kendra. Non, mais qu'il y aura Robbie à la mort, qu'il y aura Jenny. Oui, voilà, Jennifer Calendar. Ah oui, bon, bah oui, ça va être fantôme, donc, enfin, voilà, c'est toujours un peu gênant et en même temps excitant. Ça fait pas des trucs, ouais, t'as raison, c'est un peu les deux. Donc, on apprend aussi dans cette scène que Jace est le spécialiste de l'occulte de Sunnydale, c'est un peu une méga star. Le type est. Oui, c'est assez rare qu'on fasse à lui comme ça en vrai. Oui, c'est un expert, un peu nouveau, c'est bibliothécaire. Non, c'est bibliothécaire de Ulysse. Bibliothécaire nul, mais. Là, c'est un peu la star. Le type est très très content d'avoir Rupert Giles en personne dans son labo. Alex fait du refait le truc en poisson pané, refait le combat avec des poissons panés. Bah, l'épisode d'avant c'était les hommes poissons. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une excellente réplique à la fin de cette scène où Cordelia lui dit tu sens le poisson, et ça peut avoir double sens. Ah, oui. Il a joué avec le poisson et en même temps c'était l'épisode d'avant. Ouais, c'est un moment de détente hein, assez tranquille qui permet surtout aussi de recontextualiser cet épisode qui n'a pas eu de previously. Donc on répète hein, les enjeux du jour. Buffy, elle est prête au combat, elle est prête à tuer Angel, va y avoir du sang et tout, mais du sang mignon, hein, comme le dit Oz, pour rassurer Willow. Comme le visage de Willow, très suréclairé, là, on sent qu'il y a un travail de chef-op sur son visage. Ouais, mais ils sont tous les deux, ils sont là pour être... Elle est assise sur Oz, en plus. Ouais, voilà, pardon. Willow qui nous dit qu'elle adore enseigner, hein, petit détail rigolo... un autre rôle très connu qu'elle aura, Alison Hannigan, plus tard dans I Will Meet Your Mother, fera d'elle une enseignante. Voilà. Donc elle aime beaucoup enseigner. Et on remarque également que Sarah Michelle Gellar... C'est le même univers en fait, d'accord. Je ne savais pas. On remarque que Sarah Michelle Gellar joue très bien la déprime. Hein, vous voyez, il y a deux couples. Voilà, là on voit bien dans les cadres qui sont choisis. Non, mais dans les cadres qu'ils ont choisis, vous voyez, il y a Xander et Cordelia qui sont ensemble, donc ils sont en couple. Willow et Oz qui sont l'un sur l'autre. Et Buffy toute seule. Buffy un peu toute seule à part. Donc elle va se mettre avec Snyder qui vient d'arriver. Je pense que c'est ça la suite logique. Mais non, parce que regarde, Snyder reste dans son cadre, reste à l'opposé. Il vient pas rentrer dans son cadre. Et ouais. Buffy est toute seule dans son cadre. Elle est vraiment isolée. Elle est toute seule. Snyder qui est détestable, hein, évidemment, fin de saison 2. Et qui a l'air d'avoir le même âge à chaque époque ou même dans toutes les autres séries dans lesquelles il a joué. Le mec ne vieillit pas, ouais. C'est vrai. Enfin, il faisait vieux dès le départ, je pense. Il est né vieux. Sums it up, don't you think? Do you want to come by my house tonight and study too? Maybe. I do have to patrol. Again? Do you really expect Angel to turn up tonight? Non, I don't expect him to. Mais non, voilà, surtout ce que j'ai noté, c'est que voilà, elle est déterminée en tout cas, Buffy, à ce moment-là. Elle est dans les épisodes précédents, on sentait qu'elle hésitait encore à tuer Angel, qu'elle était encore, il y avait encore des gros sentiments pour lui, et là, elle est prête à accomplir son terrible destin. Mais flashback supplémentaire, flashback à Londres. On est à Londres en 1860. Avec un de mes personnages préférés. Scène totalement générale, attention. Ouais. Et ouais, Drusilla, baignée par des rayons de soleil, donc on découvre, on se dit qu'elle est humaine à ce moment-là. Pas encore Drusilla en fait. Pas encore vampire, humaine et même croyante, hein, puisqu'elle va se confesser dans une église et elle tombe sur Angelus. Qui vient de se faire le prêtre. Voilà, parce que. Au petit-déj. Ça, on découvre ça aussi, les rencontres, toutes les rencontres de femmes, tous les big moments d'Angel sont liés c'est à lié des femmes. À des femmes, oui. Donc on a vu Darla là, il y a Drusilla après. Il y aura la jeune femme roumaine qu'il tue et qui lui amène la malédiction. Et Buffy. À chaque fois, c'est lié à une femme. Et là, une femme qu'il a envie de modeler à son image. Il rencontre cette femme qui a des visions. Et là, l'utilisation du confessionnal n'est absolument pas anodine. Il y a tous les codes christiques chrétiens, en tout cas, sont utilisés pour faire de cette scène... pour faire de Drusilla un petit agneau égaré et faire d'Angel le pasteur qui va la ramener dans le droit chemin. Mais et là, c'est le chemin de l'obscurité, le chemin du mal. Là, mais Joss Whedon, il cartonne. La mise en scène est super, là, de cette scène. Ouais, on voit, il y a un plan, voilà, ce plan là où Drusilla, alors c'est facile hein, derrière un grillage et tout, c'est du classique, mais ça marche super bien quoi. Oui, la femme prise sur elle. Ouais, la femme est déjà, la jeune femme est déjà prise au piège quoi. Elle est enfermée. Et l'éclairage et tout, c'est vraiment bien. Ouais, non, l'éclairage est super. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on voit quand même les pupilles de Drusilla à travers le grillage. On dirait que c'est filmé au millimètre en fait. Enfin, là, on n'a pas le plan en question, mais. Non, c'est une super scène. Et à la fin, il va rajouter sa main par-dessus le grillage. Il est en train de prendre possession d'elle. Pour l'instant, c'est juste psychologiquement, lui disant qu'elle ne peut pas être bonne, qu'elle ne peut pas être pure, qu'elle doit admettre, qu'elle doit devenir un être vil et faire le mal. Elle l'accepte pas, mais il est en train de prendre possession d'elle. Bizarrement, on le sait, hein, il l'a dit dans d'autres épisodes que Drusilla est la personne à qui il a fait le plus de mal dans sa vie. Mais est-ce qu'il faut comprendre que c'est lui qui l'a rendue folle ou est-ce qu'elle avait déjà un grain avant? Parce que quand même, elle a l'air d'avoir un background un peu, ah bah là, c'est un peu chargé. Ouais. Ouais. Elle a clairement ses visions déjà avant. De base. Ouais. C'est pour ça qu'elle est pris. Et Angel, voilà, le plan avec la main là. Angel se dit clairement, ah bah oui, un vampire avec des visions. God is watching you. Et God, pour moi, c'est lui. Il se prend pour Dieu. Quoi. Je suis ton Dieu, je vais te modeler. D'ailleurs, là, il va y avoir une super blague sur son prétendu pouvoir de vision, qui, là, pour le coup, n'en sera pas une de vision. Et le grand écart est incroyable entre cette scène, Drusilla dans cette scène, et Drusilla dans la scène d'avant. C'est génial. L'actrice, c'est Juliette Landau. Gros bisous, gros, gros coucou à Juliette. Oui, une jeune femme apeurée dans le flashback, et là, à l'inverse, une prédatrice sexy et tout, enfin, qui n'a plus rien à voir. Non, mais ultra dangereuse, enfin, on va le voir encore plus tard, mais elle est complètement tarée. Elle fait très très peur. Bah, et puis elle a toujours ses petites voix, je pense que c'est des voix, hein, des gens qui lui parlent. Ouais. Angel le dit là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, c'est complètement fou. Mais là, c'est désamorcé par un gag en mode non, mais là, elle a juste lu le journal. Hein. Le journal. Angel, il fait le mec fâché. Ouais, ok, d'accord. Le trio est donc super bien, mais je voulais en parler un petit peu, juste de la dynamique des trois, Angel, Spike et Drusilla, sur toute la deuxième partie de saison, de la saison 2, elle est vraiment géniale, que ça apporte un vrai plus à la série quand même. C'est beaucoup mieux, en tout cas, que le maître en saison 1 qui était... Du coup, assez classique. Là, c'est ah bah là, il y a un trio. Avec... Ouais, les trios et... Avec en plus une tension, parce que si je me souviens bien, Spike n'est plus censé pouvoir marcher, mais en fait, si, il marche à nouveau. Il le cache. Mais là, on le sait déjà. Nous, spectateurs, on le sait. Mais ses acolytes ne le savent pas. Exactement. Ils vont découvrir ce soir. Et alors, je vais vous parler d'un bouquin beaucoup plus tard dans l'émission, mais ce trouble a été développé dans des œuvres annexes, et c'est super de voir que oui, il a pu se passer plein de choses entre les épisodes qu'on nous dit pas pour développer aussi cette animosité entre Spike et Angel. Ils l'auront bien compris en développant les flashbacks après de Spike et de Angel, de Drusilla, entre les deux séries en plus. Et est-ce qu'on développera notre troupe? C'est vrai qu'on verra à la fin de l'émission. On a un trouble ce soir. Mais en attendant, priorité au direct. Hein, voilà, pardon, la disquette. priorité à la disquette. Avec une fausse annonce, on pense qu'elle va trouver la disquette et en fait, elle ramasse son crayon. Oui, ça fait monter la frustration. Et là, elle aussi, Buffy aussi a une vision. Hein. Exactement, elle a un déjà-vu. Mmh. Alors, donc, c'est une sorte de vision. Enfin, le déjà-vu, c'est très... Pour vous, c'est pas du tout fantastique ou quoi. C'est notre cerveau qui nous fait croire que quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien, en fait. Mmh. Mais là, c'est drôle parce que ça fait un parallèle criant entre Buffy et Drusilla. Exactement. Les deux jeunes femmes ont des petits flashs qui leur permettent d'aller voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Mais moi, le truc qui m'a le plus bluffé, c'est qu'elle insère la disquette et ça se charge immédiatement. Je pense que c'est déjà pas toujours le cas avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Alors en plus, c'est des années 90. C'est clair. T'avais le lecteur qui faisait ça faisait un bruit fou. Bah oui, mais là, c'est Willow. Willow, c'est une spécialiste de l'informatique. Et donc, oui, on découvre ce fameux rituel de restauration d'âme, de l'âme d'Angel. Rituel dont on nous parle depuis très très longtemps, depuis plus d'une saison. Ouais, et puis le coup de la disquette, on était hyper frustrés. C'était un super. C'était la fin de l'épisode Passion. Bah, de Passion. On pouvait s'attendre même à ce qu'elle soit jamais retrouvée, cette disquette. Exactement. Ouais, ça a laissé une porte ouverte, c'est génial. Enfin, c'était une super idée de scénario. À l'époque où les séries étaient encore peu feuilletonnantes, ça se faisait pas du tout. Si t'es un vrai fan et que t'as suivi, tu l'attends ce moment où ils vont retrouver cette. Exact. Et ce qu'on attend encore plus, c'est là, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le flashback. Ça, c'est ouf. Parce que la scène suivante, on est dans le flashback en Roumanie. Je me rappelle plus la date a été donnée. 1898. Exactement. 98. Là. Bref. 100 ans avant. Voilà, on est encore dans un moment important. Donc, on l'a dit, tous liés à des femmes. Donc, là, c'est une jeune femme qui l'a tuée. Et sa famille, le clan de cette jeune femme, se venge en mettant en place cette malédiction. Le fait que ça soit des gitans, c'est pas anodin. Ça, c'est très cool. Les gitans. Voilà, donc lié à la famille, lié à Jenny. Mais les gitans, dans l'œuvre maîtresse de la culture vampirique, donc dans Dracula, c'est un peuple soumis au comte Dracula, qui est un peu esclave, qui exécute ses basses besoins, tout ce que lui peut pas faire, genre en journée ou à l'extérieur de son château. Et là, c'est très drôle de voir ces gitans qui se sont a priori rebellés contre les vampires. Et c'est un peu un pied de nez à l'œuvre de Bram Stoker. Et en même même temps. C'est tant mieux. En même temps, c'est un lien parce que d'associer, de garder à l'idée que les gens sont reliés aux vampires et connaissent leurs points faibles, donc les armes et tout. Ça, c'est super cool d'avoir eu cette idée de clan. Par contre, si je peux me bâcher, je comprends pas très bien le plan du gitan, parce que redonner son âme à Angel, finalement. Ouais, c'est débile. C'est débile parce que c'est le Angel maléfique qui a tué sa fille, et lui redonner son âme, ça va faire souffrir. Ça va juste, bah, ça va faire souffrir le Angel gentil, mais pas le méchant. Ça se tient. Oui, parce que oui, donc dans la mythologie de Joss Whedon, il y a deux personnes, quoi. Et donc il se venge de la mauvaise personne, finalement, en rendant son âme à Angel. Bah, ils les font cohabiter, peut-être, parce que oui, c'est pas parce que quand Angel redevient méchant, après, il a pas de séquelles. Tu mais vois, oui. Tool itself requires a greater knowledge of the black arts than I can claim. Well, I've been going through our files and researching the black arts for fun or educational fun, and I may be able to work this. What a channeling. Là, c'est une scène assez folle dans la bibliothèque. Doit-on redonner son âme à Angel ou pas? Jai, c'est un peu le contourneur, hein, des grands moments, hein, des grands moments importants. On peut dire le trouillard aussi, parce que vous voyez, face au monolithe, il dit à tout le monde non, on va pas l'ouvrir tout de suite, je préfère attendre. Là, face au sort de restitution d'âme qui lui tombe dans les mains, il dit non, attendons, on va pas s'en servir tout de suite. Jai, il veut toujours attendre et réfléchir avant de faire les choses. Ce à quoi ses amis adolescents disent non, on y va tout de suite, on le fait tout de suite. I can't believe you people. Xander has a point. You know, just for once I wish you would support me, and I realize right now that you were, and I'm embarrassed, so I'm gonna get back to the point, which is that Angel needs to die. Curing Angel seems to have been Jenny's last wish. Yeah, well, Jenny's dead. Don't you ever... Can't you hear what I'm saying? Xander, stop it! What do you want to do? I don't know. What happened to Angel wasn't his fault. Yeah, but what happened to Miss Callender is. You can paint this any way you want. But the way I see it is that you want to forget all about Miss Callender's murder so you can get your boyfriend back. Et voilà, et il y a aussi une histoire de porte, parce que Jace dit à Willow, si tu fais de la magie, tu vas ouvrir une porte que tu ne pourras pas refermer. Et ça aussi, donc il a tout compris sur le problème qu'aura Willow avec la magie. Et on a aussi un gros débat, pour finir sur les thématiques de cette scène, un gros débat sur la peine de mort. En gros, est-ce que Angel, qui a donc tué, est-ce qu'on doit lui donner une seconde chance? Est-ce qu'on doit lui rendre son âme, donc le mettre en prison, en gros, ou est-ce qu'on doit lui imposer une peine de mort, hein? C'est un débat très très important, donc qui divise en deux l'Amérique et qui divise en deux le Scooby Gang. Il faut pas parler politique dans une famille. Hein, j'adore ce plan là de Drusilla. Elle me fait vraiment peur pour le coup. Et oui, pendant cela, Drusilla a fait une petite visite au musée pour bouffer. Dans un musée, ou enfin le type qui avait trouvé le monolithe, quoi. Voilà, surtout pour emporter la boîte d'Akatla. Mais... Tout à fait. Pendant ce temps, Buffy est au téléphone avec Willow et va tomber sur sa petite bague, sa clada offerte par Angel. Avec la fameuse musique justement qui correspond à sa romance avec Angel. Exactement. Là, t'es trop fort, Balthazar. C'est le moment qu'on a choisi pour faire un point musique et parler de Christophe Beck, le super compositeur qui est arrivé en saison 2 de Buffy et qui a eu l'excellente idée de faire des morceaux thématiques, et notamment ce morceau autour de la romance Buffy-Angel. Ces morceaux fonctionnent super bien parce que dès qu'on les entend, nous spectateurs, on se rappelle de la tragédie qu'est en train de vivre la jeune fille. Et on est complètement à sa place, quoi. On est triste autant qu'elle. La musique continue, mais on passe très vite à autre chose parce que comme le personnage de Buffy est passé aussi très vite à autre chose, elle est dans l'action, elle n'a pas le temps de s'apesantir sur ça. Et elle découvre. Kendra, salut. Elle aussi, on va passer très vite à autre chose. Elle découvre Kendra, l'autre tueuse, qui est venue l'aider. Bah oui, c'est un final. Il faut que tout le monde soit là. Elle revient. Tous les meilleurs soient là. Quel personnage sacrifié, c'est là, Kendra. C'est vrai qu'on peut s'arrêter deux secondes sur Kendra. Elle apporte pas grand chose peut-être à la série en tant que nouvelle. Non, non. Là franchement, elle a marqué "Je vais mourir sur le front". Genre, carrément, ça se voit. Parce que c'est parti du bon moment d'épisode justement. Quoi. Elle se fait avoir, mais bon. Alors peut-être une dernière chose sur Christophe Beck, donc le compositeur de la musique. Il a reçu un Emmy Award pour la musique de. Pour ce morceau. Pour la musique de ce final de Becoming. Exactement. Très bon. Et donc on enchaîne. Angel qui, face à Akatla, qui nous présente Akatla. C'est là. Avec un plan d'ouverture pareil qui suivait le sol. Une scène de tout est fait. Et là, c'est des mouvements. La caméra ras du sol en contre-plongée. Tout est fait pour rendre grandiose tous ces instants. On est dans les big moments, hein, faut vous rappeler. Angel est magnifique. Donc faut en faire des caisses. Hein, là. C'est un des moments importants. Le grand Angel, le grand Akatla, tout ça. Unless, of course, they're putting up low-end housing. Boys. They fills my head. I can't hear anything else. Let me guess. Someone pulls out the sword. Et donc Akatla leur parle beaucoup. Enfin, là, on sait pas trop s'ils parlent vraiment à Drusilla aussi. Elle joue un peu de son. Alors, ils sont quand même pas très bien renseignés, hein, parce qu'ils savent pas encore comment utiliser l'épée, etc. Ils vont avoir besoin de Giles, et la résolution elle est pas si compliquée. Ouais. Mais oui, parce que là ils ont pas leur guide, leurs observateurs. Buffy a son observateur, et on va comprendre que ça manque de cellules grises. Ils sont pas bêtes, loin de là, mais ça manque un peu d'éminence grise quand même. On va comprendre qu'Angel avait aussi une sorte d'observateur qui était Whistler on va faire la connaissance très rapidement. Donc là on arrive au début de l'acte 3, ça va très très vite, hein, les actes sont très rapides. Kendra apporte l'info. Et voilà. Ah, elle sert à quelque chose. Ouh. Mais oui, pour apporter l'info. Ça c'est un point important parce que on s'en moque. Elle apporte déjà le courrier aussi. C'est ça. On s'en moque souvent dans ce podcast qu'à chaque fois le méchant de la semaine il est démasqué assez facilement au détour d'un livre. On trouve l'identité et le point faible du méchant. Voilà. Et là les infos importantes, ce type d'infos, elles vont pas être amenées par des livres, mais elles vont être amenées par des gens. Comme vous l'avez dit, c'est Kendra qui amène l'épée pour tuer Akatla et l'identité du démon. Plus tard, c'est Giles qui va donner l'info à Angel de comment ouvrir Akatla, enfin malgré lui. Whistler va donner la même info à Buffy. Et là, plus tôt, on a appris que Jenny, par l'intermédiaire de sa disquette, a donné l'info du rituel de restitution. Enfin voilà, là, c'est les gens parce que c'est ça aussi la vie. Les big moments, c'est aussi des rencontres. C'est avant tout une histoire de rencontre. C'est avant tout une histoire de rencontre. Refermez les bouquins. Pourquoi vous me regardez comme ça là? Sortez. C'est parce que je suis nu ou? Mais non. Ça n'a rien à voir. Mais non, parce que c'est ça, il faut en parler. C'est aussi rencontrer des gens. Ce n'est pas que le nez dans les bouquins tout le temps. Et là, non, pas que dans les bouquins. Toutes les infos primordiales, cruciales, sont apportées par des gens. Et ça, c'est beau. C'est un beau message. En ces temps d'épidémie et de non-contact, je le rappelle. C'est thématique finalement ce choix d'épisode, c'est bien. Donc là, il y a une blague. Giles a une boule de Tésula qui lui sert de presse-papier, hein, comme comme les nuls en gros. C'est quand même un peu facile parce qu'ils n'ont pas allé la chercher. Ah oui, il en avait une dans son bureau. Ouais. En fait, ça va. C'est quand même un double épisode. Ils auraient pu prendre le temps d'aller la chercher. Bah non, il y a tellement de trucs à raconter. Le passé d'Angel, c'est quand même mieux qu'une recherche de boule de Tésula. Ouais, enfin, il y a quand même l'objet qui restitue l'âme à Angel. Précisément dans le bureau de Giles. Il faut le rituel. On a vu dans Passion, ça s'achète dans n'importe quelle boutique petit peu ésotérique. Alors pourquoi ça arrive pas plus souvent dans la série Après ils vont carrément dans une boutique de magie, ils ont les vampires qui récupèrent leur âme. Des boules de Tésula. Ouais. Parce que c'est pas être marrant. Mais non, parce que justement le démon est mort. Enfin le démon c'est l'ancienne personnalité qui reprend le. Oui. Ah là pour le coup c'est là ça tient. Non, je suis d'accord. Oui, alors là, il va se passer un truc. Angel cherche comment ouvrir le truc. Exactement. Donc, le sacrifice. Une première tentative. Donc là, il y a encore des contre-plongées, des trucs comme ça pour agrandir. Ça sent quand ils vont se transformer. C'est drôle. Là, on sent au début du plan que. Là, il y a eu un morphing. Alors, contrairement à tout à l'heure où il y avait. Oui, une là, coupe, ils ont investi. Mais on sent avant que ça arrive que l'image est différente. Oui, l'image, elle est un peu pixeleuse, un peu granuleuse, bizarre. Donc ça sort bien de Joss sur cet épisode quand même, hein, je trouve. Alors qu'on sent qu'il n'y a pas trop de démarches de budget. Là, ces plans-là, grues un peu qui descend. Il est aidé par le décor, hein. C'est une maison assez connue à Los Angeles qui est utilisée pour beaucoup de tournages. Parce que voilà, on n'a pas le temps. Priorité au direct. On arrive le flashback à New York en 1996. Parce que c'est génial. J'adore le début de ce plan. Il y a plusieurs fausses pistes. On est au départ avec le clodo, après on est avec quelqu'un qui marche, après il y a un livreur de pizza qui nous refait revenir vers le clodo qui est en fait Angel. On découvre que c'est Angel. Tout ça avec ces mouvements de cam très très cool, parce que c'est ça la vie, ça allait d'un côté, d'un autre, revenir en arrière. Et évidemment, Balthazar avait tout compris avant tout le monde, il savait que c'était le clodo. Mais j'ai beaucoup ces débuts de flashback qui sont vraiment très très signifiants. Ça nous dit plein de choses. Et une fois de plus, Angel nous apparaît différent de ce à quoi on est habitué, mais donc toujours titubant, toujours nul, un peu comme le l'ivrogne qu'on a vu en 1753. Finalement, sa boucle, il est redevenu, malgré qu'il soit vampire, il est redevenu. Pareil, il est redevenu nul parce que peut-être que son heure de gloire c'était finalement quand il était vampire, sauf que non, il rencontre Whistler qui va sortir de la merde, qui va lui donner une nouvelle chance, une nouvelle naissance. On va voir dans ces quelques scènes de flashback parce que oui, la vie c'est aussi une histoire de rencontre. Il y a un mec qui débarque qui dit je vais t'aider, il se pose pas trop de questions, j'allais vivre. Après, donc on va comprendre que, enfin, il va plus ou moins sous-entendre qu'il est lui-même un démon ou un demi-démon. Il dit pas plutôt un ange gardien, non? Si, il se présente comme un ange gardien, mais il se dit aussi comme un démon. Et d'ailleurs, il va préciser là, tu sais que tous les démons veulent pas détruire le monde. Oui. Et lui, il se prend un hot-dog juste à ce moment-là, quoi. Tranquille. Quoi. Et c'est un perso qu'on va avoir que dans Becoming 1 et 2, et après qu'on va pas revoir de la série, et qui va seulement revenir dans les comics bien plus tard. Là. Et alors, figurez-vous, Riles, qu'il était censé devenir l'acolyte d'Angel dans la série Angel, ça m'aurait paru logique. Mais ils ont choisi un acteur plus jeune. Et parce qu'il n'était pas disponible, en fait. Ah. Mais c'était prévu que ce soit Whistler qui joue l'acolyte, donc je sais plus comment s'appelle ce personnage de saison 1, là, qui disparaît en fin de saison 1, interprété par... au début de la saison 1. Et il a pas un nom proche de Whistler, je sais pas, comme ça, par un W aussi. C'est un mec irlandais ou je sais plus quoi, enfin c'était. Putain, on est nul. Doyle. Ah oui, non, rien à voir, pardon, excusez-moi. Le chat, il y en a plus encore. Il y a un Y. The stink guy. What do you want from me? I want you to see something. We'd have to leave now. You see? And then you tell me what you want to do. Where is it? Non, et donc voilà, et là on arrive à l'hôtel Los Angeles de ville. Il valait en 1985. Moi, aucun souvenir que Angel avait vu Buffy avant qu'elle sache qu'elle-même qu'elle soit tueuse. Eh ben personne le savait. Ouais, on le découvre dans ce flashback extraordinaire. Il valait donc de Retour à le futur. C'est le même, donc même voilà, décor. Le, le fronton là qui est donc le lycée Emory de Los Angeles. Si vous êtes fan de Retour à le futur comme moi, vous savez évidemment que c'est l'hôtel de ville de Hill Valley, mais c'est aussi un endroit utilisé dans plein d'autres films et de séries, notamment dans les Gremlins par exemple. C'est tout simplement un morceau des studios Universal à Los Angeles qui a été détruit depuis, mais qui a servi pendant de nombreuses années à de multiples tournages. Buffy qui racontait qu'elle était une Cordelia avant, et là on le voit, tout son gang autour d'elle. Et elle se retrouve surtout très seule. Ouais. Et là, il y a un vieux moustachu qui va lui parler. Bonjour. Et tu as une grande mission, ça c'est totalement suspect de dire. Elle a une sucette à la bouche. Ouais, les choix de mise en scène sont vraiment cabreux. C'est un peu too much. Et alors rien à voir, mais c'est cool de voir un flashback de ça aussi. Les vitres peintes de la voiture d'Angel, non, ça vous choque pas comment il fait pour conduire, non? Oui. Non, et puis surtout, moi, comme Spike, il a un petit trou. Je trouve pas ça assez étanche en fait. Il devrait quand même être atteint et brûlé. Et mourir, hein, on est d'accord. Nul. Il y a quelques moments comme ça dans la série où il porte aussi juste un blouson, enfin un manteau épais. Ça, c'est toujours c'est un peu Spike, limite. Il arrive tout le temps chez Jace. Moi, je trouve ça un peu limite. Alors, priorité au direct. Ils abusent un peu saison 5. Priorité au direct, on assiste au premier vampire de Buffy. C'est sa première fois. Ah oui. Première fois. Et elle se trompe. Comme chaque fois, les premières fois, c'est pas terrible. C'est pas ce genre, Pourtant, donc, il est bien. Elle se trompe de trou. C'est très drôle. Buffy, c'est son premier vampire. Ah ouais, c'est chouette. C'est historique quand même. Ouais. Et c'est pas très bon. Et Angel a assisté à son. Et Angel a regardé de loin comme à son habitude. Mais c'est une expérience de spectateur qui est extraordinaire. Donc nous, ça fait deux saisons qu'on s'attache beaucoup à ces personnages, à cette jeune femme, et là on découvre son premier vampire. On est comme un fou à ce moment-là quand on découvre son ancienne maison. Et voilà, il y a même Joyce. Mais oui. Et il y a même son père quand on l'entend en voix off. Ouais. On l'entend. C'est super. Et on est obligé d'en refaire des caisses sur le côté stalker d'Angel. Ah, mais... Là, on est carrément de son point de vue. Une fois de plus, il est derrière les arbres. Il mate tout ce qui se passe à travers. Qu'est-ce qu'il a dû se faire plaisir. À travers les. Oui, on parce voit que... pas ce. Ouais. Non, quand même pas. Ils ont pas. En même temps, s'ils ont pas de sang qui circule dans les veines des vampires. Enfin bon, je n'irai pas plus loin. On lancera ça débat sur le chat. Mais en tout cas, on voit que la relation Buffy Angel démarre vraiment sur un déséquilibre. Hein. Lui tombe vraisemblablement amoureux d'elle alors qu'elle ne le connaît même pas, ne l'a même pas vu. La voit et veut la protéger et veut s'occuper d'elle alors qu'elle ne le connaît pas. Enfin voilà, il y a un déséquilibre assez malsain qui se poursuivra dans le reste de la relation. Ce déséquilibre qui fait que la relation ne peut pas marcher. Voilà, et que Buffy doit s'émanciper de cette relation. En le butant, du coup. voilà. Sauf que là, ça a convaincu Angel de devenir quelqu'un. I wanna become someone. Je veux devenir quelqu'un, dit-il. Là, on est au cœur de la pensée existentialiste de Joss Whedon, dont on a parlé régulièrement dans ce podcast. Pour Whedon et pour l'existentialisme, on devient quelqu'un par ses actes, en faisant quelque chose, et pas le disant. Et c'est ce que dit Whistler à Angel. Il dit tu veux devenir quelqu'un, mon bonhomme, va falloir le prouver, va falloir faire les choses. Et là, c'est intéressant parce que cette deuxième naissance, autant on avait assisté à la première naissance en tant que vampire qui se faisait dans la rue, en extérieur, ouverte sur le monde, là, sa deuxième naissance en tant qu'humain se fait dans le caché, dans les immondices et tout. Tout ça pour nous dire que le futur d'Angel version humaine va être complètement différent de son futur qui est grandiose, que lui était promis en tant que vampire. C'est ça, être humain, faire le bien, c'est se cacher et c'est en chier. Il a raté. Priorité au diable, donc il a essayé de réveiller Katla, et nul. Et c'est loupé. Il manque pourtant pas grand chose, mais il ne sait pas quoi encore. Histoire de sang, je crois. Angel qui se dit qu'il est digne du truc alors que c'est un putain de serial killer et tout ça. Je suis étonné que Spike n'essaye pas quand même juste après. Peut-être qu'il essaye en douce, quoi, hors caméra, quoi, parce qu'il peut pas se lever. Il est pas censé se lever. Ah, priorité au direct, scène complètement folle, ça. Immolation dans une salle de classe. Là, la scène est trop bizarre. On parlait justement de l'effet du soleil sur les vampires. C'est là qu'on réalise quand même qu'il est pas immédiat. Hein. C'est vrai, parce qu'elle, justement, elle arrive avec juste une écharpe sur la tête, un voile. Ce qui prouve quand même que si un vampire mal intentionné voulait agir de jour, il aurait quand même un peu de marge. Hein. C'est vrai. Ça faudrait qu'il soit très très rapide parce que vous savez, dès qu'elle va enlever son châle, elle va commencer à cramer. Et la dame, c'est Cindy Folkerson, une cascadeuse qui est très connue à Hollywood parce que c'est quand même assez bien réalisé, ça, c'est quand même très chouette. Cette cascadeuse, Cindy, a le record du nombre d'immolations. C'est la cascadeuse qui a le plus pris feu. Ah, tu veux dire que c'est pas un effet spécial? Non, il y avait une vraie personne qui cramait. Il y avait les deux. Il y avait quelqu'un qui cramait et de l'informatique. Et donc Cindy Folkerson, elle l'a fait aussi dans plein de films et tout, dans plein de choses. Et c'est son petit record. C'est son job, c'est son taf de cramer dans les films. Et là, on assiste à une nouvelle scène dans la bibliothèque. Donc là, c'est la préparation à la bagarre. Parce que Bayard, la bagarre, on arrive à la fin de l'épisode. Et le Scooby Gang, malgré ses désaccords sur la peine de mort, finalement, travaille quand même ensemble pour réussir à ne pas mourir, tout simplement, parce que ça serait nul d'être emmené dans une dimension. Parce que c'est ça l'enjeu. Hein. C'est l'apocalypse. Si Akatla est réveillé. On va parler de Monsieur Pointu, justement. Et voilà, le nom en VO, c'est Mr. Pointy. Pointy. L'apparition du personnage le plus apprécié du Buffyverse, Monsieur Pointu. c'est le plus apprécié. C'est le meilleur devant Willow, devant tout le monde. C'est aussi l'objet préféré du Balthazarverse. Riley, vous avez fait des recherches sur la filmographie de Monsieur Pointu, non? Évidemment, figurez-vous. Ah, qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans sa carrière? Très professionnel. Et Monsieur Pointu, alors son objectif, c'est de... Il a tué beaucoup de vampires. Et en vrai, on va en reparler vite fait. Il sera mentionné en tout cas saison 3. On va même le voir dans la saison 4. Saison 4 aussi. La colocataire démoniaque de Buffy va faire un fou. Voilà. Sinon, mais c'est un accessoire, c'est anecdote quand même. C'est un accessoire que Sarah Michelle Gellar a gardé après le tournage. Oh, de c'est ah, mignon. Excellent, hein. Monsieur Pointilleux. Ouais. Pour, oh, ouais. je vais pas dire. La tombe de Hurley, c'est une référence. On a loupé une référence à Lost. C'était une référence à Lost, on est d'accord. Ah oui, Hurley, c'était écrit en gros sur une tombe. Ah oui, c'est une référence à Lost. C'est pas possible, Lost. Quoi le mec qui tombe dans le piège. À moins que, c'est les créateurs de Lost qui ont vu cet épisode, qui ont vu Hurley, qui peut-être sont dit ce serait cool ouais, comme ouais. Monde perso. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça qui s'est passé. On en parlera. Mais pendant ce temps, il y a une scène super qu'on a passée, mais que je vais vous expliquer en décalé, c'est pas grave. Dans laquelle Buffy. Tu vas évidemment parler du fait qu'elle est venue en blouson et en talons pour se battre contre un vampire badass, c'est quand même pas l'idéal. Ben contre son ex, c'est surtout c'est son ex. Le champ lexical du rendez-vous galant est utilisé par. Fight, c'est ça, c'est qu'inconsciemment elle attend un rendez-vous galant plus qu'un combat. Et c'est trop bien ce moment. Can we et please Angel fight a joué dessus au début en disant je pensais te reconquérir, et il arrive en disant ça, et bah non, en fait, ok, on va se battre. Et fight en anglais a la double signification, veut dire donc la bagarre. Mais également la dispute au sein d'un couple. Carrément vidéo supprimée. Donc ça marche sur les deux niveaux. Et la dernière image donc qu'on n'a pas vue, mais je vous invite à revoir ça ultérieurement à la fin de cette petite entrevue entre Buffy et Angel quand la bagarre va commencer. Angel nous gratifie d'un mouvement de bras complètement fou à la fin du plan. Pour montrer qu'il va se jeter sur Buffy, mais il est tellement pas crédible ce mouvement qu'il me fait à chaque fois hurler de rire. Là, il y a grosse baston à la bibliothèque. Pendant ce temps, grosse baston à la bibliothèque. Baston comme dans le lieu emblématique en plus de la série. Oui, mais alors grosse baston, mais alors moi ce qui me gêne, c'est que c'est quand même des gens qui ont aucun pouvoir, hein, à part Kendra, bah, et ouais. Aucune force physique, et ils s'en sortent super bien. C'est quand même des vampires un peu badass qui les a. Ils sont pas là pour tuer les vampires, ils veulent faire souffrir. Ouais. Alors ils s'en sortent super bien, Balthazar. Je vous rappelle que Jace est dans le coma, Willow également. Et Alex, oui, non, ce que je veux dire, ils se battent face à des êtres qui pourraient leur rompre la nuque en 2 secondes. Non, mais là, ils sont beaucoup moins forts. C'est pas Angel qui est. D'ailleurs, on va voir dès que Drusilla un vampire normal est plus fort qu'un humain de base. Non, mais là, c'est des humains entraînés, c'est le Scooby-Gang quand même. Ouais. Tu dénigres un peu trop le Scooby-Gang. Je trouve qu'ils sont un petit peu protégés par le scénario, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est les héros. Ils sont à l'hôpital, l'épisode d'après. Priorité au direct. C'est très dur avec je pense. Regarde Alex, ça se prend une grosse. Et bim. Non mais surtout, Buffy a encore une fois tombé dans le panneau. Oui. Tout ceci n'était qu'une diversion, comme dans quoi? Comme dans le premier épisode de la saison 2. Oui. Là, je vous rappelle qu'on est dans le final de la saison 2, la boucle est bouclée. C'est pour ça qu'Angel dit, ça fait 2 fois que tu te fais berner. Bah oui, il la connaît, il se sert de. Parce que Angel, quand il faisait partie des gentils dans l'épisode When She Was Bad, la métamorphose de Buffy, quand les vampires faisaient sortir Buffy de la bibliothèque pour kidnapper ses potes. Et bien là, Angel a utilisé la même ruse, mais maintenant du côté des méchants. Et à la fin, il nous sort And you fall for it every single time. Tu tombes dans le panneau à chaque fois. Et c'était très très drôle. Et c'était en plus très cool sur Angelus quand même. On l'adore en méchant. Évidemment. Alors attention, mon moment préféré de l'épisode. Donc, qui prouve bien que Drusilla a vraiment des pouvoirs. Ah bah oui, puisqu'elle est capable d'hypnotiser Kendra. Dracula aussi, il sera comme ça. Le maître également a des pouvoirs hypnotiques. Mais c'est des gros chefs. Elle, on savait pas trop encore. Si, ça pouvait gros être chef, juste une c'est folle. C'est la Big Bad juste en trouble. C'est Big Bad trouble, quoi. Elle, donc, je trouve que c'est l'épisode où on voit la vraie dangerosité de Drusilla. Et puis elle est d'un charisme dingue. Sur toute la série. Non, par contre, là où je suis moins fan, c'est l'espèce de schlick qu'elle va lui donner. Ah ouais, voilà, petit coup, ça, là. Si ça tue une tueuse. Mais c'est dans la gorge. Mais c'est le vampire, elle est plus forte qu'elle. Je veux dire, à Buffy, fais gaffe quand tu rebranches ton aspirateur, tu pourrais te prendre un courjou et mourir. Hein. Il n'y a même pas de flow sanguin en fait. Oui, bah oui, non, mais effectivement, la série n'était jamais assez gore, à mon avis, je trouve aussi. Ouais. Et il y aurait devrait y avoir une énorme mare de sang. C'est quand même une tueuse. Tu vois. Elle arrive en retard. Et du coup, ralenti. Alors, ça, future image de générique. Ça, en plus, ça sera repris dans les génériques futurs. Et on passe au ralenti, la musique change, on n'est plus dans l'action, on est dans le drama, la voix off va arriver. Utilisé hein, généralement pour mettre en valeur hein, quelque chose, et là on met en valeur l'échec de Buffy. Bah oui, elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard, de toute façon elle va aller d'échec en échec pendant ces 2 épisodes. elle va pas arrêter de perdre tout le temps, tout. On assiste à une tragédie. Alors, j'en ferai des caisses sur l'aspect tragédie de ce double épisode, plutôt dans la deuxième partie. Mais la fin sera forcément mauvaise, et dure et pénible. Et Buffy va en chier tout le long. Et ça commence là, on est à mi. Très beau plan, quand même. Le plan, lumière sur Kendra. Exactement. Ouais. Ça, c'est un plan. J'ai sublime. Beau ne pas aimer ce personnage. Et la fin est géniale aussi. Le retournement de tête va être un peu moins bien. Peu surjoué. Là, ce passage est extraordinaire. Et la voix off qui peut être prise sur deux niveaux, qui nous dit c'est pas fini, Freaks. Vous allez voir ce qui va se passer, pour nous dire que la suite va arriver bientôt. You will see what I mean. Alors, le cliffhanger avec les flics, pardon, je trouve ça légèrement artificiel. Ouais, mais on a envie de voir pas la suite. Grand chose. Ouais, qu'est-ce que fugitif. À mon avis, c'est vraiment. En plus, elle est fugitive, on va être accusé. C'est ça, c'est un artifice, à mon avis, de scénario pour se dire qu'est-ce qui va se passer. Parce que sinon, c'est vrai que ça manque un peu. Ça fonctionne très bien, on a envie de savoir ce qui se passe. Mais d'ailleurs, les flics seront absolument nuls dans l'épisode d'après. Tout à fait. C'est vrai. Ça ne servira à rien. Donc c'était super, première partie complètement dingue. On va pas débriefer tout de suite, on va immédiatement enchaîner direct. La suite, on va enchaîner comme des foufous. Okay. Parce qu'on a trop hâte de savoir ce qui va se passer quand même. Il y a un flingue. J'ai déjà vu, moi, hein. Il y a un flingue pointé sur flingue. Il y a un flingue. Bang, c'est pas. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà, c'est parti. C'est parti! C'est tout petit! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Buffy qu'on regarde, c'est bien ça? Donc, les flics viennent d'arriver à la bibliothèque et évidemment, Buffy est accusé direct. Hein. Et tous les personnages sont morts. On est du point de vue de Buffy, c'est ça? Dans l'épisode d'avant, on était du point de vue d'Angel, maintenant, on est du point de vue de Buffy. On est dans la continuité directe de la scène, mais le style a complètement changé. On est caméra à l'épaule, c'est très très brusque, ça bouge en tous les sens. Et on est du point de vue de Buffy, comme tu le dis, Riley. On découvre que Alex est évanoui en même temps que Buffy le découvre. Ça, c'est une note d'attention très claire. On va passer les 42 prochaines minutes dans la peau de Buffy. Et là, il va se passer un truc super. Regardez-moi ce zoom sur son visage. Là, elle vit un big moment. En l'espace de 2 secondes, elle doit faire un choix. Le choix de casser la gueule au flic. Elle a le choix entre se laisser arrêter. Et là, la flic a rien à foutre, elle tire dans le lit. Elle tire dessus quand même. C'est les Américains. Sauf qu'il y avait Snyder entre elle et Buffy. Hein, voilà, Buffy a dû faire son choix très très rapidement. Elle a le choix entre rester une jeune fille normale et donc se faire arrêter par la police. La police, on doit l'écouter normalement. Ou devenir totalement tueuse et aller dans le monde obscur et se rebeller contre l'autorité. C'est ce qu'elle fait. Et c'est marrant parce qu'on a l'habitude d'être dans une série de fantastiques avec des monstres et tout, mais moi je sais pas si ça vous a fait ça, mais le fait de voir les flics, j'ai eu l'impression qu'ils étaient quand même. Ça ramène à la réalité. Qu'ils sont plus forts qu'elles. Et ils sont méchants surtout. Déjà ils sont méchants, mais surtout on a l'impression qu'il y a une force au-dessus d'elles. Oui. Et puis et finalement elle te retourne le policier en deux secondes, ce qui est normal vu qu'elle est plus forte qu'un humain. Mais normal. On les voit rarement dans la série en fait, les flics, du coup ça crée ce sentiment dès qu'ils apparaissent. Oui. C'est marrant, on est conditionné à se dire que les flics sont plus forts. Et puis parce que Buffy, elle a toujours essayé de mettre une barrière entre sa vie de tueuse et sa vie de lycéenne. Dans sa vie de lycéenne, l'autorité est incarnée par la police et par Snyder, et elle a peur normalement de ces deux entités là et on l'a vu, elle s'est rebellée là contre la police, elle va se rebeller ensuite contre Snyder, elle met une croix sur sa vie de lycéenne, et là elle est super c'est bien sa camouflée fausse vie, hein. D'ailleurs elle a un bonnet, elle est habillée en noir, évidemment, elle a complètement changé de style. Alors, je regarde les crédits. Ah, oh, il va y avoir Drusilla dans l'épisode, je suis spoilé, mince. Principal Snyder, on l'a déjà vu, ça va. Par contre, j'ai vu qu'il y avait Oz dans l'épisode, et je sais que dans l'épisode d'après, il sera enfin intégré au générique. Exactement. C'est, 3, c'était le dernier épisode sans Oz. Enfin, il y en aura d'autres dans le casting futur. Casting permanent. Mais... Et on a des nouvelles. Alex est blessé, avec bras cassé. Willow dans le coma. Mais alors tout ce costume là un peu outrancier pour nous dire attention, je suis une fugitive. Bon, c'est exagéré, mais bon, c'est pour bien appuyer le trait. Buffy est en mode fugitive, donc on l'habille comme une fugitive, même si c'est un peu grotesque. C'est clair. Et là, on apprend une mauvaise nouvelle. Non, Willow est dans le coma. C'est un scandale. Je quitte cette émission. Alors, est-ce que c'est l'époque où on était encore un peu naïf des séries et on pouvait encore s'imaginer que Willow pouvait mourir, ou est-ce qu'on n'était pas dupes? Non, on n'est pas dupes quand même. On n'est pas dupes, mais Willow peut jamais rien arriver à Willow. C'est terrible que dit Alex, qui dit Peut-être qu'elle serait haine, mais dans, on sait pas quand. Peut-être qu'elle va juste rester dans le coma. Peut-être dans trois saisons. Ouais, c'est peut-être encore plus cruel que de mourir, de rester dans le coma comme ça. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que dans les séries, quand quelqu'un est dans le coma, c'est qu'en général, il meurt pas. Hein. C'est un peu une règle absolue. Sinon, il est vraiment mort. Quoi. Sinon, il est vraiment mort. Sinon, on l'aurait vu mourir avant, quoi. Mais on est quand même touché, je trouve. Que, plus c'est filmé, genre cette plongée au-dessus du lit, on est quand même pris dans le. Et c'est quand même. Enfin, quand on aime Willow et tout, on a, ça fait vraiment surtout quoi. Moi en plus. Ah bah ouais. C'est le personnage le plus mignon de la série, quoi. Normalement, on n'y touche pas à Willow, quoi. Et là, c'est dur quand même. Parce que Joss Whedon avait une règle, il est toujours mettre en danger Willow pour créer de la crainte chez le spectateur. Mais là, elle est beaucoup en danger quand même. Elle est entre la vie et la mort. Et on est très très inquiet. Et on va être encore plus inquiet pour Tonton Jace, dans quelques instants. On va découvrir que bah, lui aussi a été... il a été kidnappé par les vampires. Ça, et là, les persos, Scooby Gang se rend compte que Jace a disparu. Ouais. Exactement. Parce que c'est l'idée principale de ce début d'épisode, c'est de mettre le plus possible Buffy dans la galère. À chaque scène, on découvre une galère supplémentaire. Elle perd un truc. Donc là, elle a été recherchée par la police. Sa meilleure amie est entre la vie et la mort. Et là, on découvre que son observateur est otage des méchants. Et vous allez voir que ça va être de pire en pire pendant tout l'épisode. C'est vraiment la dégringolade. Buffy et va être dépouillée de tout ce qui faisait d'elle, ce qui faisait sa force, de tout ce qui faisait d'elle une opteuse à part, sa famille, ses amis. Elle va tout perdre, sa double identité de lycéenne, Guirette, ouais, tout ça. Du lycée, ouais. Elle perd absolument tout. L'autre tueuse vient de se faire tuer, donc ça prouve qu'une tueuse peut mourir. Ouais, ça met. Il y a un gros flip. Ça nous apprend ça. Et c'est vraiment aussi sur cette thématique de. On assiste à une tragédie. Ça va aller de plus en plus mal vers la fin, vers la mort, vers quelque chose de nul. Et c'est important de ce personnage tragique de se dépouiller de tout perdre, de finir seul. Et la dernière image de l'épisode nous le montrera, elle finira seule. Et Angelus, encore une fois, qui est énorme là, dans cette scène, quand il apprend à Jace qu'il préfère le torturer plutôt avec une tronçonneuse. Ouais. Ça n'existait pas la dernière fois que j'ai torturé quelqu'un avec une tronçonneuse. Non, il est excellent. Bon, on le dit à chaque fois. Mais Là, c'est marrant parce qu'il y a les flics qui sont chez Joyce pour appréhender Buffy. Et c'est le même flic qu'on avait vu dans l'épisode Ted. Donc dans lequel Buffy outrepassait déjà un peu son rôle de tueuse en faisant du mal au robot Ted, à son beau-père. Super épisode que j'ai très hâte de commenter. Et bien c'est le même flic qui revient, ça c'est une très bonne idée pour cet acteur là, Riley, non? Voilà. J'ai vu que tu mettais ça, mais j'ai pas d'infos sur ça. Vous étiez censé faire des recherches sur ces comédiens. Non, tu m'as dit qui a des choses à dire là-dessus. J'ai dit pas moi. Voilà. Attends, très bien. Je comptais sur Clément. Moi, j'avais pas grillé, je le reconnais. Non, mais ouais, pourquoi j'ai pas d'explication au fait que ce soit le même à ce moment-là. C'est pour montrer que Sunnydale, c'est cohérent du coup. C'est cohérent, ouais. C'est la même saison. Alors parlons plutôt de Whistler, tant qu'on est à parler des personnages secondaires. Qui débarquent donc au présent cette fois. Oui. Oui, enfin. On l'avait vu 100 ans auparavant. Et qui, est bizarre. Dans cette deuxième partie, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors que c'est logique qu'il soit là, mais. Alors pourquoi est-ce qu'il vient voir Buffy ? Il est moins justifié que quand il va voir Angel. Là, c'est. Ben si, parce qu'on découvre que c'était un peu lui le guide d'Angel. Ouais. Il devait l'aider à. Qu'il a échoué à sa mission. À refermer son destin. Le destin d'Angel était de mettre fin totalement à la menace Akatla. Et à cause de Buffy, le destin a changé de camp. Il y a un risque qu'il ouvre la porte de l'enfer grâce à Akatla. Et donc il vient prévenir Buffy. Hein. Et voilà. Ça, il est un peu comme Kendra. Et puis il remplace Jace. C'est le Jace de cet épisode. Jace bis, ouais. Un Jace nul. Hein. Autant je le trouvais très très bon dans les flashbacks. L'acteur. Autant donc, au présent, il est nul. Ouais, je le trouvais bizarre. Il joue pas pareil. Est-ce qu'on a des infos sur ce Max Perlich? Non, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle comment? On sait pas. Max Perlich. Tout Perlich. À fait. Vous avez des infos, Riley, ou pas? À part qu'il a joué dans La Maison de l'Horreur, qui est un très mauvais film. Non, j'ai pas vraiment d'infos sur lui. J'ai pas. J'aime pas trop ce perso. Maison de l'Horreur, où il partage l'affiche avec James Marsters. On l'a regardé pour préparer ce podcast. Ne le regardez pas, chers éditeurs. C'est très mauvais. Là, un moment important. Moment important, oui. Spike qui vient aider Buffy. Ça, ce sera récurrent bien des saisons plus tard, ouais, mais là c'est une toute arrive, première. Ouais. Mmh. Là, c'est tapé dessus direct, évidemment. Ça, c'est assez classique. On ça sera un code. Ouais, ouais, on assiste à un moment historique. Hein. C'est peut-être la toute première fois que Spike nous apparaît comme un personnage capable de rédemption. Mmh. Il peut être amené à faire quelque chose de bien. Là, en l'occurrence, après ses raisons, voilà, il a ses raisons personnelles. Il veut juste récupérer sa meuf. Bon, c'est par pure jalousie et égoïsme. Mais ouais, il est capable d'avoir presque un visage, enfin, ou au moins des valeurs humaines, et il va l'expliquer. Et il dit, lui, ça l'intéresse pas que le monde disparaisse, lui, il veut profiter du monde. D'ailleurs, il va le dire dans quelques instants, voilà, en taxant les clopes du flic. Ça, c'est très important parce que Spike, il se voit même comme un parasite. Il préfère parasiter le monde, piquer des clopes à droite à gauche, sucer le sang d'un humain par-ci par-là. Il veut pas du tout mettre fin à ce monde. Il aime. On est fan de Manchester United de foot. Il aime ce monde comme il est. Ouais, c'était gommé en VF d'ailleurs. Il dit quoi en VF? Il dit un truc banal. Les courses de chiens, un truc comme ça. Ça, il le dit aussi. Il chante aussi une petite chanson. Il dit Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester, Bloody Square. Sans le Bloody, c'est les paroles d'une chanson qui s'appelle Long Way. It's a Long Way to Tipperary. Alors c'est une chanson typique britannique qui a été popularisée par les troupes britanniques de la Première Guerre mondiale qui chantaient ça. Et donc voilà, dans l'inconscient collectif anglais, c'est quelque chose de très patrimonial. Donc que Spike chante ça, ça nous montre que lui, il est complètement ancré dans sa grande Bretagne natale et qu'il aime ça et qu'il veut pas du tout que ça s'arrête. Ça fait un peu écho à ce que disait Whistler dans la première partie sur les démons qui veulent pas détruire le monde. Quoi. Ils veulent juste c'est un but de merde quand même, détruire le monde. Tu fais quoi après? Bah ouais, c'est ce que dit Angel, c'est juste son objectif. Mais Angelus, c'est ce qu'il veut, oui. Ouais. Mais Angelus, il veut des grandes choses. Il est mégalo. Il veut des big bands. Montre-moi le monde. Il serait chier, à mon avis, si t'es tout seul dans un monde délabré. Mais il veut ça. Mm. Il veut marquer l'histoire de son empreinte. Spike, il veut juste profiter tranquillou. Je suis plus Team Spike sur ce coup-là. Si j'étais vampire et méchant. Et c'est ça aussi qui est très fort dans Buffy, ce que la série montre, c'est que justement ça va beaucoup plus loin que juste des méchants de la semaine qui veulent détruire le monde. Ils ont tous des enjeux, tous des sentiments. Ça change tout, et puis on le verra encore plus tard à la série avec Clément, le démon gentil. Ah oui. Ils font des parties de poker, voilà, entre démons. Et puis c'est pareil dans Angel aussi, dans la série Angel, ce sera très développé tout ça. Oh là là, mais Willow, elle va mourir là. Ouais, elle est filmée en plongée, donc là ça sent pas bon. Ah, je le sens très très mal. Voilà, j'ai peur. Sur le chat, on fait un sondage, est-ce que Willow va mourir ou Willow meurt. On est qu'au premier tiers de l'épisode, mais bon. Bah, surtout, là on rigole parce que la scène ça se prête pas à rire, mais je la trouve ratée, cette scène où Xander nous fait une vieille déclaration. Oui, parce que Willow, on y croit pas trop. Il vient seulement de se rapprocher de Cordelia, et c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ces prétendus sentiments pour Willow. Est-ce que c'est un love platonique peut-être? Pour moi, c'est un truc d'amitié, le I love you d'amitié, c'est fin saison 6, mais celui-ci, c'est un I love you un peu ambigu. C'est le même. C'est un I love you chargé d'hormones, quoi. Il sait pas trop. Saison 6, il est un peu plus grandi, parce que là, oui, Alex, c'est pas sa meilleure période. Il a des gros soucis d'égoïsme. J'ai très très peur quand t'as commencé par D quelque chose. Il va faire de très mauvais choix, Alex est monté sur le lit de Willow. Par contre et c'est Rose qui arrive et qui prend sa place, et voilà. Et ça, c'est important. Et là, on va faire une petite analyse qu'on aime bien faire. En fin de saison 1, rappelez-vous, Xander réveille Buffy qui était morte, bien sûr, sous les yeux de son bien-aimé Angel. Tu peux pas, Là, animer. On est en fin de saison 2. Angel réveille d'une certaine manière Willow sous les yeux de son petit ami Oz. C'est ça le super pouvoir. Ça sera clairement dit en fin de saison 4, mais Angel, c'est le cœur du groupe, c'est celui qui réunit le groupe. Xander, ça fait deux fois que tu dis Angel pour Xander. Alors je parlais de Xander, tout à fait. Mais on avait compris. Mais voilà, c'est lui le cœur du groupe, c'est lui qui relie tout le monde et c'est lui qui réveille ses amis quand elles sont. C'est ça. C'est son but à lui, c'est son super pouvoir à lui finalement. Tout à fait. Et ce sera en saison 6. Pendant ce temps, Jace est torturé par Angelus. Je trouve c'est un plan séquence très très très très cool, dans lequel toute la violence est suggérée par le sang qu'il y a sur les mains de Jace, par la douleur que Toonid joue parfaitement bien. Le fait que Angel essuie les lunettes. Voilà, c'est Angel qui essuie ses lunettes. C'est un code. C'est hyper sarcastique. Ouais. C'est un code du personnage de Jace. Là, il lui prive de son identité carrément. Il lui essuie ses lunettes à sa place. C'est très très cool. Jace est vraiment totalement aux mains du psychopathe Angelus. On adore. J'adore ce plan. Ce plan est formidable. Ouais. Tu parlais de plans séquences, il y en a, c'est pas des plans séquences, mais il y a beaucoup de plans longs dans ces deux épisodes. Hein, et Joss Whedon, il adore faire ça en fait. Il laisse la place aux acteurs. C'est très Joss Whedon. Il y a soit des plans qui se rapprochent tout doucement et on a l'intégralité du dialogue. En parlant de plans longs, on va avoir le plan de l'attente entre Joyce et Spike dans le salon. C'est super drôle aussi, mais bon, on n'y est pas encore. Mais... Là, c'est la scène où. C'est déjà pas mal. De la rencontre déjà. Spike Joyce avec. C'est là où Buffy va tout lui révéler, quoi. Le comédien. Et c'est formidable cette histoire de groupe de rock. Je chante. Je chante dans un groupe de rock. Buffy fait avec un gars emo. C'est ça. Et Joyce qui croit pas une seule seconde. Mais c'est super cette rencontre entre les deux extrêmes, les deux personnages les plus extrêmes du spectre de la série. Il y a quand même des vampires qui peuvent débarquer d'un coup devant chez toi. Hein. C'est un peu dangereux. La sécurité. Et là, regardez cette baston, c'est très très drôle de voir que on s'en fout de la baston. On insiste sur les plans de réaction de Joyce. Sur Joyce qui c'est pas Joyce le plus important dans cette scène. Mm-hmm. C'est ça le plus important parce que c'est pas rien ce qui se passe. Elle assiste pour la première fois elle voit un vampire. J'imagine que c'est la première fois. Ouais, elle voit un vampire choqué, hein. être réduit en poussière et en plus par sa fille accompagnée. C'est ça qui est le plus choquant. Sa fille qui a l'air de savoir très bien se battre d'un coup. Là. Et elle est accompagnée d'un mec un peu chelou aux cheveux peroxydés. Ça fait beaucoup beaucoup d'infos et là sa fille qui lui dit je suis une tueuse de vampire. C'est vraiment beaucoup trop d'infos pour Joyce. Est-ce que c'est connu de l'acte comme métier tueuse de vampire? Oui, on sait pas trop hein, s'il y a des c'est quoi les salaires, c'est ce qu'il y a de l'avenir. Tu vois, un parent normal doit se poser ça comme question, quoi. Si ça rémunère bien, pourquoi pas, ma fille? C'est un peu le genre de réaction qu'il va avoir après en disant on va appeler la police. C'est pas grave, maintenant on sait que c'est pas toi. On va faire tout ça un chapitre sur la rationalisation de Joyce, la rationalisation à outrance. Pendant ce temps-là, Buffy est au téléphone avec Willow. Et comme tu l'as dit, Balthazar, on va assister à un plan extraordinairement culte de silence total. Silence, c'est génial. Entre. Mais Joss, elle est silence. Qu'un scène de téléphone ne sert juste qu'à créer ce moment de silence. Voilà, on y est. 12 secondes, messieurs. 12 secondes de silence. De gêne entre donc pour Spike, la télé américaine c'est énorme 12 secondes sur un plan large de gêne entre Spike et Joyce. C'est super, on adore ce moment, moment complètement incongru et dont seule cette série a le secret. Pendant ce temps-là, on élabore un plan, c'est là qu'est Angel, tout ça. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la relation Spike-Joyce. Va y avoir dans quelques instants. On commence à parler. Remember, est-ce qu'on s'est déjà vu, vous vous rappelez, Get the hell away from my daughter et dégage de ma fille, référence à l'épisode School Hard dans lequel les deux personnages se sont déjà rencontrés. Mais dans une toute autre ambiance, hein, parce que c'était. C'est et Joyce qui reste hyper poli. Ah oui, c'est moi qui vous ai envoyé chier l'autre fois. Je vous ai menacé avec une hache. Mais c'est ça, elle est là, elle essaye de tout rationaliser, de tout rendre banal. Elle commence à lui demander alors, vous habitez où dans la ville? Comment ça se passe? C'est ça, elle rationalise. C'est normal, peut-être qu'elle est un peu perdue. Mais trop, c'est une façon de... Peut-être qu'elle est folle. C'est... Ouais. Mais c'est surtout l'archétype d'un peu toute la population de Sunnydale. Hein, qui c'est ça, qu'il y a des gens qui sont immolés dans la classe. Bon, c'est pas grave. Passons à autre chose. On se voit la semaine prochaine, prochain cours. C'est ça, Joyce, c'est l'adulte qui se voile la face. C'est la personne qui... Oh là, il y a des trucs chelous. Je vais plutôt pas les regarder. Je vais plutôt m'occuper des trucs que je comprends, des trucs rationnels que j'arrive à expliquer. Comme ça, ça va être c'est bien. C'est le côté parent, en fait. Je rentre pas dans le délire de mon gamin. Quoi. Exactement. Exactement, et ça va nous entraîner très gentiment vers la suite de cette scène qui est là, alors ça c'est très connu, c'est la métaphore, hein, ouais. Je découvre rien, mais la scène qui suit, la dispute qui va arriver entre Buffy et Joyce est une métaphore d'un coming out qui se passe mal. Qui se passe mal. Oui, t'as essayé de changer? T'as essayé autre chose. C'est tous les mots, toutes les expressions utilisées. Mm-hmm. Ah, t'as manqué d'une faveur, une figure parent, une figure paternelle ouais, c'est ça. Forte. It's because you didn't have a strong father figure, isn't it? It's just fate, Mom. I'm the Slayer. Accept it. We should call the police. No, we're not calling the police. Donc oui, le comme coming out de Buffy en tant que tueuse. Et effectivement, comme tu le disais, sa mère lui offre plein de phrases qui font écho à ça et qui montrent qu'elle ne comprend pas du tout ce que sa fille est en train de lui dire. Elle lui dit, est-ce que t'as essayé de ne pas être une tueuse? Ah, t'as manqué d'une figure paternelle forte ou tu as besoin d'aide, des choses comme ça. Et Buffy lui répond, mais non, est-ce que tu crois que j'ai choisi d'être comme ça? Do you think I choose to be like this? Open your eyes, parce que voilà, elle a compris que sa mère se voilait la face. C'est exactement ça, c'est coming out qui se passe mal, ces familles d'enfants homosexuels qui ne se rendent pas compte qu'on ne choisit pas d'être comme ça, on est comme ça et c'est tout, et c'est comme ça et c'est très bien. Et c'est ce que Buffy défend, et c'est une scène qui est extraordinaire, qui se lit comme tout le temps chez Buffy à deux niveaux, qui est très poignante quand on connaît l'histoire de Slayer et tout, et qui est aussi très forte quand elle fait écho à ces situations de coming out difficiles. Elle est très dure, Buffy, aussi, quand elle dit à sa mère bah, mais vas-y, reprends un petit verre et tout pour faire passer à lui. Oui, parce que Buffy. La scène est très dure. Buffy est à bout. Elle justifie d'ailleurs son départ. Buffy est à bout. Buffy, faut imaginer que ça fait des années que Buffy fait semblant d'être la jeune fille que sa mère voudrait qu'elle soit. Rappelez-vous, dans les premiers épisodes de la série, Buffy essaye de pas t'attirer des ennuis, essaye de pas te faire virer. Sa mère veut qu'elle soit une jeune fille entre guillemets normale, chose que Buffy n'est pas et ne veut pas être. Et ça se finit, voilà. C'est dur, là. Ouais. Là, c'est très, très dur. Si tu franchis cette porte, tu n'auras pas le droit de revenir. Les portes, hein, Buffy, coming out, est sortie, littéralement. Ouais. Mais la porte reste ouverte, et ça, c'est important. Buffy, perd sa famille. Oui, mais la porte est ouverte, Riley. Bien sûr, bah, il y aura une saison 3, on le sait. Et une saison 3, oh putain, je l'attendais depuis 99. Mais voilà, scène extraordinaire, pleine de symbolisme fou, et voilà, est très très forte. On adore cette scène. Et donc voilà. Là, Willow veut relancer le vidéo. Willow qui va mourir. Si elle relance le sort alors qu'elle est affaiblie comme ça, c'est vraiment très dangereux. Elle a l'air un petit peu mieux quand même. Elle a l'air déjà réveillée. Oui. Elle est réveillée déjà. Elle a une capacité de régénération. C'est une vampire en fait. Peut-être. La scène est excellente avec sa tête de. Oh, regarde, là j'ai ma Resolve Face. Oui. Et puis très bien joué par Alison Hannigan. Resolve Face. Ça, c'est les scènes de Scooby Gang vraiment géniales aussi. Il y a tout dans ce double épisode, il y a vraiment tout, quoi. Tout Buffy. Et là, il y a une blague. Oui, Oz n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé à la fin du premier épisode parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Bah, il était en répète. Il me semble. Il répète avec son groupe. Mais il n'est pas au courant de quoi? Bah, de la tentative de rituel de résurrection. Ah, mais oui, de restauration, ouais. Restauration, la boule de Tézula et le presse-papier de Jarry. Voilà, il n'est pas du tout au courant de ça, c'est très, très drôle. Il n'est pas générique, il sera bientôt générique, il sera au courant de tout. Et là, vous avez vu, évidemment, ouais, vous avez noté. L'épisode d'après. Willow vient de dire à Xander. Tu préviendras Buffy que je vais faire le rituel. Alexander a dit bien sûr. Voilà, on se garde ça dans la poche, hein, on en reparlera tout à l'heure. Là, pareil, une scène encore géniale. C'est encore un très long plan sur Jace qui se fait torturer par. Et je me souvenais pas que la série était capable de contrastes aussi marqués. C'est-à-dire que sur Jace, il y a des zones vraiment noires. Ouais. Pas récupérables en termes de montage si tu veux rehausser les brightness. Ah bah, la version HD dégueulasse a réussi à faire de la saloperie. Ne t'inquiète pas. Merde. Mais tu vois, moi je trouve ça très osé ce genre de contraste à la télé. Il y en a régulièrement. Faut faire un gros bisou au chef-op de la série qui est disparu il y a quelques mois, je me rappelle plus son nom. Oh mince, c'est vrai. Mais qui était super pour ça. Ouais, les clairs obscurs, les ombres et tout, enfin il régale à fond les ballons. Et là c'est libre en plus Buffy comme le. Ouais. Au niveau mise en scène, ils font vraiment. Mais comme dit Balthazar, c'était pas courant en télé américaine. C'était même pas très broadcast en termes techniques. C'est ça. On le dit, on l'a pas évoqué, mais il y a une super réplique de Tonton Jace. Oui. Quand Jay lui demande qu'est-ce que je dois faire pour réveiller Akatla, il lui dit tu dois faire le rituel. You must perform the ritual in a tutu. tu dois être vêtu d'un tutu couillon. Ça serait, on traduirait ça comme bon. C'est une super, hyper badass de Tonton Jace. Mais pendant ce temps-là, priorité au direct, donc Buffy revient à la bibliothèque pour récupérer sa petite épée. Et là, il va y avoir. Donc, on continue l'énumération des galères hein, de Buffy, dont on vous a dit, plus d'observateurs, plus d'amis, Snyder, plus de famille. Oui. Et là, plus de lycée. Saute aussi. Là, sa double identité vole en éclat totalement. Snyder, c'est génial aussi dans cette scène. Et il va y avoir un petit teasing d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais, à la fin de la scène, teasing ouais. de saison 3, même si à l'époque, il savait peut-être pas s'il allait en avoir une ou pas, ça je sais pas, mais si, bah, je pense que si, ouais. c'était acté. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ce qui a jamais été la très série clair, c'est que Snyder, ce là, ouais. mm-hmm. enfin, on peut le dire tout de suite, hein, c'est que ouais, Snyder à la fin passe un coup de fil et dit passe un message un peu obscur et on comprendra a posteriori. Il dit au maire que c'est bon, donc sous-entendu ouais. Buffy est parti, un truc comme ça quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire que Snyder est dans le coup, du coup ça justifie, ça fait vraiment regarder son perso d'une autre manière quoi. Il avait déjà été question du maire dans l'épisode Sadie Hawkins. Ah oui, c'est ça, où à la fin il était il extérieur. Il est encore question du maire dans l'épisode d'après, alors que le maire n'est pas encore apparu dans la série. Mais bref, et là, voilà le fameux coup de fil. Et voilà, non mais surtout, donc Buffy, vous l'avez vu, n'a plus du tout peur de Snyder. Ça fait une saison et demie qu'elle se contraint à faire ce que dit Snyder, ou au moins à éviter, à faire semblant. Là, elle s'est totalement émancipée. Elle a laissé tomber sa fausse identité, parce que elle aussi faisait semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle a laissé tomber ça. Donc, bien sûr, au détriment de sa famille et de son identité secrète, elle perd tout ça. Mais elle s'en fout. Elle a une super épée maintenant. Hein, et ça, c'est oui, bien. Et puis son mec est encore vivant, donc ça va, elle peut encore lui redonner son âme et sortir avec lui, tranquillou. Là, donc on revient à la torture va être maintenant psychologique, parce que la torture physique ne fonctionne pas sur tonton Jace, d'Angel n'a pas fonctionné. Le plan commence, enfin la scène a commencé par un très gros plan sur le crâne de Rupert Jace, parce que c'est une scène dans laquelle on va rentrer littéralement dans sa tête. La et tête. On revoit Jim. Et c'est là que le guest starring se concrétise. Ouais, c'est cool quand même comme scène. Même si on a vu dans le générique, effectivement. Voilà, on savait dès le générique, mais ça fait quand même plaisir. On a un peu la même réaction que Giles. Et Jenny, génial. Alors que bon, nous, on sait que. Je t'avais vu dans les crédits au début d'épisode, je savais que je te verrais. J'ai une petite anecdote sur cette scène. Ah. Tony Head a refusé pour jouer le côté le mec en chie qui vient de se faire torturer, pas bien du tout, tremblotant. Il avait mangé un énorme piment. Il s'était mis un piment dans la bouche pour être pas bien du tout. Ah, ça, c'est pas cool pour le partenaire qui joue en face. Et voilà, et on se dit que pour Juliette Landau ou Robbie à la mort qui ont dû l'embrasser en fin de scène, ça devait être sympa. Merci. Mais bon, au moins ça marche, il a l'air d'en chier un maximum. Et ça marche aussi pour Angel, parce que du coup il va révéler avec ce trick. Oui, alors il suffisait juste qu'Angel utilise son propre sang. Ouais. Je pense que ouais, même par curiosité, j'aurais pu y penser. En plus, c'est plus ou moins à un moment donné dans la. Enfin, non, c'est pareil, c'est dans le premier épisode. Ou non, c'est dans celui-là. Il montre sa main en disant j'ai essayé du sang et tout, mais en fait, il a jamais essayé son propre sang lui. Ah oui, non, ça c'est bizarre. J'attire votre attention sur la réalisation de cette scène qui est quand même super cool. Il y a des très très gros plans. Il y a les caméras. On passe de la bouche aux yeux, c'est très beau. On a l'impression que ça panote alors que. La caméra est un peu ondulante, je sais pas comment dire. Elle se balade un petit peu. On est complètement dans un songe. C'est super bien fait. J'adore ce moment. La lumière est encore très très cool. Ah, puis surtout, on était tellement triste pour Jace, pour une fois qu'il était amoureux, qu'il avait quelqu'un, etc. Ouais. Et le switch entre Calendar et Drusilla est super bien fait. Ouais. Ouais. Et ça se galoche. Et après, on passe sur le point de vue d'Angel et Spike, c'est très bien. Ah, mais oui, c'est ça, oui. Mon blood. On sent, mais je suis tellement con. Oh là là. Et du coup, après, avec le gag où Drusilla ne s'arrête pas d'embrasser Giles, ça, c'est très bon. Oui, alors c'est ça qui est drôle, c'est que le dialogue dur entre Spike et Angel, tout ça, en fait, pour désamorcer le fait que. Ils sont toujours. Que Drusilla est toujours en train de galocher Giles pendant ce temps-là, hors champ. Et Giles confirme qu'il a embrassé toutes les actrices de la série, hein, Giles. Ah oui pas Buffy, je crois. Même Buffy. À part Buffy, non mais. C'est vrai que moi, on était dans le pilote non diffusé. Donc, voilà, c'est ça. Drudru. Oui, ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est cool. Bah là, on est dans la comédie, mais ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'elle est bien filmée. Enfin, elle a un visage de film d'horreur, cette femme, mais, mais elle est particulièrement bien mise en valeur. Ah ouais, mais elle est parfaite, là. On Drusilla, c'est vraiment son meilleur épisode. Ah, on revient à ton personnage préféré, Riley. Il est toujours en train de squatter. Elle revient, et qui était toujours là en fait. Bah oui, parce que. Squatter l'appart. Il a raison. Et donc, il s'est passé quand même plein de choses dans cet épisode. Et là, avec l'enchaînement des deux scènes, on resserre un peu l'intrigue sur. On va tranquillement vers le duel final. Très clairement, Angel vient d'avoir l'info qu'il devait utiliser. Buffy l'est aussi quoi. Et ouais. Voilà, il vient d'avoir l'info de comment ouvrir vraiment Agatha. Et là, Buffy va avoir la même info de la part de Whistler. Donc, comme vous l'a dit, il y a un échange en Whistler, gros. Whistler, il vient quand il veut. Hein, vraiment. Tu pouvais pas le dire tout à l'heure. Que... Ouais, c'est ça. Ouais, il pouvait pas compiler en une fois toutes ses interventions. Là, parce qu'il voulait faire une blague, il voulait faire des blagues et les blagues ont pas plus à Buffy et Buffy s'est barré. Buffy s'est barré avant qu'il le dise. Il l'a pas rattrapé parce que bon, il voulait squatter le frigo comme visiblement. Mais là, moi, je serais Buffy, je dirais, tu sais d'autres trucs sur les prochaines saisons à venir parce que ça pourrait me dépanner. Justement, elle lui a dit, j'ai plus rien à perdre, I got nothing left to lose. Et une fois qu'elle était partie, il lui a quand même dit quelque chose qu'elle n'a pas entendu, c'est wrong kid, you got one more thing. Tu te trompes, tu as encore quelque chose à perdre. Parce qu'effectivement, en fait, elle a déjà tout perdu, mais on va lui redonner quelque chose qu'elle va reperdre derrière. Voilà, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on peut perdre de plus quand on a tout perdu? Bah, regagner quelque chose pour le reperdre. Et là, donc, c'est le moment connard d'Alexander. Hein, le moment connard. Le fameux. Où il va donc pas avouer à Buffy. Que Willow est en train de retenter le rituel. Bouh! Et donc c'est. C'est vrai que c'est très. Et c'est un truc génial, donc c'est un truc. Enfin, c'est pour l'histoire, c'est génial, mais c'est vrai que le personnage passe pas vraiment pour un salaud. Et moi, personnellement, entre la saison 2 et la saison 3, j'étais persuadé que le début de saison 3 allait. Reparler de ça à fond. Mais on en reparle pas. On en reparle qu'en saison 7. C'est ça. Il y a un non-dit de 5 ans, c'est extraordinaire. Et en saison 7, parce que ce truc reviendra sur le tapis au moment d'un débat. Un peu équivalent au débat sur ce que faire d'Angel devenu méchant, au moment où Anya recommencera à tuer des gens. C'est ça. Et le Scooby Gang s'interrogera sur est-ce qu'il faut tuer Anya ou pas. Et ce dossier, tu m'as pas dit que tu vois, ressortira. Enfin, c'est du génie. C'est du très très bon génie. Ce qui est un peu moins du génie, c'est la façon dont il est. Un peu facile de faire le rituel de la boule de Tesula. Hein. D'ailleurs, Willow précise à Oz, t'es pas obligé de comprendre ce que tu dis, il suffit de le prononcer. Et elle a l'air très sûre d'elle. Donc déjà que la boule de Tesula se vend en presse-papier chez Ikea. Mais c'est pas ça les enjeux de cet épisode. Je trouve les rituels très accessibles quand même. Non mais voilà, ils ont pas le temps. Ce qui compte c'est justement le fait que le rituel fonctionne et ce qui compte c'est le duel. C'est le duel à mort. Et hop, Spike qui vient de se lever et révéler qu'il marchait de nouveau et qu'il s'en prend à Angel. Et il le tabasse bien un coup de tison là. C'est parti. Et oui et donc et voilà, Angel va bientôt retirer l'épée. Et donc les deux ex-amants vont tous les deux avoir leur propre épée et seront... Il y a Drusilla qui a son petit cri qui arrive, se jette sur lui, c'est très bon. Moi j'anticipe parce qu'il va se passer plein de trucs, mais oui, on va arriver au duel, et c'est important la notion de duel, parce que le duel, il y a le duel chevaleresque hein, de justice divine, mais il y a aussi le duel pour réparation d'honneur, le duel d'honneur, et les deux fonctionnent dans ce cadre-là. Pendant que Spike est obligé d'assommer. Oui, c'est ça, je ne veux pas frapper une femme. C'est pas pour autant que je vais pas le faire. Et donc, pendant ça, plan de coupe très bizarre, on zoome du plafond juste sur les objets du rituel, pas du tout sur les visages de Willow. C'est la boule. C'est la boule qui concentre. Le phlebotanum, comme une chose que j'aime beaucoup, moi, dans cette série, c'est la relation Xander et Giles aussi. Une relation un peu d'amour-haine où ils s'avouent jamais qu'ils s'apprécient. D'ailleurs, au début, ils s'apprécient vraiment pas. Je pense qu'ils s'apprécient. À ce moment-là, ils s'apprécient pas des masses. Là, à ce moment-là, il y a un glissement. Là, il y a un glissement. Il y a un glissement qui est en train de s'opérer, je pense. C'est un truc de longue haleine, hein, la parce relation. Il dit, parce qu'il dit, les vampires vont dans ma tête et tout, mais dans votre tête. Je suis pas dans votre tête. Ah oui, c'est vrai, oui, je te dis peut-être. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est vrai que Xander a quand même ce pouvoir aussi, entre guillemets, de l'humour, et ce qui fait quand même. Ouais, mais jamais ils se diront qu'ils s'apprécient. À part peut-être dans le final où on sent qu'il y a quand même. Et là, on a entendu Whistler le dire, quand Angel retirera l'épée, ce sera trop tard. Ouais. Donc là, on a l'info. C'est trop tard, on a l'info, on est spectateur. On a vu que c'était trop tard, et pourtant cette conne de Willow continue à faire le rituel. Elle est pas au courant. l'ironie dramatique est à son maximum. Oui, la tragédie là. Les gens, montage est génial. Il suffit de lui passer un petit coup de fil sur son téléphone portable. Je comprends pas. Non, c'est interdit. Ouais, interdit d'avoir un téléphone, sinon il n'y a pas d'ironie dramatique justement. Donc là, les personnages n'ont pas la même info et donc ça se bat alors que dans un autre. Oh là, oui, on voit le cascadeur là, pas mal. Alors attention, grosse scène d'action. Où les cascadeurs. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup les cascadeurs. Alors, on voit beaucoup les cascadeurs dans les plans larges. Là, les plans larges. Ouais. Mais figurez-vous que Sarah Michelle Gellar et Darren Boreanaz ont quand même bien bossé la chorégraphie à épée. Là, sur les plans, on voit que c'est eux. Et on va voir un autre. Il y a une valeur de plan où c'est. Au moment où. Ah, là, il y a le premier sang qui est versé. Normalement, donc il y a deux formes de duels. Il y a les duels au premier sang et les duels à mort. Donc là, on a vu qu'au premier sang, ils arrêtaient pas de se battre. Donc ça sera un duel à mort. C'est assez clair. Là, vous allez voir que quand Buffy va monter sur le sofa, voilà. Non, c'est après. Enfin bref, il va y avoir un petit temps d'attente. On sent que la chorégraphie n'est pas super bien réglée. Au moins quand ce sont les acteurs qui jouent, quand ce sont les doublures, les cascadeurs, ça va super vite. Mmh. Et quand ce sont les acteurs qui jouent, parfois il y a des petits moments de latence pour pas porter les coups. Alors là, on a un petit aperçu de la Willow saison 6. Hein, même si je pense que Joss n'a pas encore idée de ce qu'il va faire du personnage, mais. Mais ouais, elle est quasiment possédée par. De la magie chez Willow, tout ça. Ouais. Elle est possédée par le sort. Et elle ne contrôle plus le sort elle-même. Et c'est très cool. Et oui, on arrive à un moment, incroyable. Mais il fait jour dans cette cour. Il commence à faire jour. On est au lever du soleil. Mm. Voilà. Buffy est très très mal barré. Spike, lui, s'en fout. Hein, parce qu'il pense qu'elle vit. En fait, il tue Drusilla, entre guillemets, en l'étouffant. Non, mais comme c'est une menthe. Non, il l'étouffe. Il l'étrangle. Et comme elle est déjà morte, elle n'en mourra pas. Mais une humaine en serait morte. Et là, c'est génial, effectivement, il dit bon, bah il va la tuer, mais j'en ai rien à foutre. Bon, ce qui est pas du tout cohérent avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Ouais, ouais mais, donc, l'heure, hein, mais c'est le Spike de l'époque, quoi. C'est j'en ai rien à foutre du sort de Buffy. Bah, je suis pas encore amoureux d'elle. On arrive à un des moments les plus forts, les plus badass de la série, un moment qui donne envie de se lever, de crier son amour pour Buffy. Angel est debout, épée à la main, face à elle, qui est par terre, qui est désarmée, main nue. Bim Et elle arrive. Elle bloque l'épée. En ouvrant les yeux, qu'est-ce qui te reste? Il reste moi. Et il lui dit no weapons, no friends, no hope, take all that away and what's left. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus d'armes, tu n'as plus rien, plus d'espoir, qu'est-ce qui te reste? Moi, il me reste moi. C'est un message extraordinairement féministe et surpuissant, et comme quoi voilà, une. C'est-à-dire, j'ai beau être seul, je me suffis à moi-même. Je me suffis à moi-même, et toi, t'as beau être un mec musclé, armé, tu me fais pas peur, et je vais te défoncer. Et c'est extraordinaire, tout ça en ouvrant les yeux, hein, le fait de. Toutes ces histoires de se voiler la face, ne pas voir la réalité comme elle est, c'est important aussi tout ça, et elle fait tout ça en ouvrant les yeux. Elle prend conscience de son pouvoir, elle prend conscience qu'elle a plus besoin de ce macho dans sa vie, quoi, qui voulait la protéger et la contraindre. Et elle est même sur le point de le décapiter quand il récupère son âme. Là, là, là. Bling, bling. On y est. Oui, il a récupéré son âme par les yeux. Hein. Les yeux sont aussi leur importance beaucoup dans. C'est vrai. Symboliquement. Bah, on dit que le regard est le reflet de l'âme. Exactement. Et Darla, comme Buffy. Ouais, Darla lui faisait fermer les yeux. Dise à Angel de fermer ses yeux au moment de mourir. Drusilla hypnotise Kendra par les yeux. Akatla va se réveiller en ayant ses yeux qui s'ouvrent et qui s'illuminent. Les yeux sont très. Très très très important. Donc voilà, oh là là, c'est parti pour la chialade. L'hôte est redevenu normal. J'ai retrouvé mon mec. C'est super triste. Là, en plus, elle sait pas vraiment si elle. Là ça va encore. Est-ce qu'elle doit le tuer ou pas, parce qu'elle fait pas encore attention que le truc n'est pas ouvert. Encore. Là, c'est bon. Là, tout va bien vu que Akatla n'est pas censée être réveillée. Si elle est censée savoir que dès que l'épée est enlevée, il faut. Mais elle a oublié. Elle a oublié. Elle a 17 ans. Elle écoute pas ce que disent les adultes. C'est vrai. Surtout pas ce Whistler. Ce Whistler nul. C'est pas d'où il vient. C'est tellement triste. Il jouera même pas dans la saison. Regarde Sarsman, il est. Regarde-le. Il chiale. Oh. Regarde, mais c'est triste là, ça y est. Et voilà, il a même retiré la main de ma cuisse. Et les yeux s'illuminent. Putain, on est triste. Arrêtez de faire des blagues salaces, on est triste là. Et là, elle comprend qu'elle doit le tuer. Ça, c'est génial. Ouais, donc là, elle comprend qu'il y a un point de non-retour là. Ouais. Et donc là, il y a le parallèle criant avec la scène d'ouverture avec Darla. Darla qui tuait Liam et faisait de Liam un vampire. Faisait de lui un vampire, faisait de lui Angel. Là, ça va être l'inverse. Buffy qui va devoir tuer Angel. En lisant la même chose, en disant qu'il va devoir fermer les yeux. C'est très très triste. I love you. Sur le chat, ça dit quoi? Donc, il y a de nouveau la musique, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit sur le chat? Les gens sont en peur. Hein, par contre, voilà. Les gens regardent Charmed. L'effet visuel est dégueulasse. Là, Angel qui disparaît. Ouais. Et même la posture d'Angel est pas du tout naturelle. Il est mal découpé. Bon, j'ai pas souvent pris des épées dans le ventre, mais il y a rien qui va. C'est vraiment très très moche. Alors, mais on est dedans. Les faux éclairs, le détourage. Oh là là. Tout est à chier. Et même la gueule d'Akatla. L'émotion est là. Émotionnellement, c'est super puissant, mais suffit, visuellement c'était vraiment très très moche. On est un peu déçu. Elle risque qu'elle reverra plus jamais. Et c'est là que commencent les premiers accords de Full of Grace, le morceau de Sarah McLachlan, une chanson qui parle en gros d'une histoire d'amour qui ne fonctionne plus, qui tire la personne vers le bas. Et on vient d'assister à ça, en gros, symboliquement, à l'histoire Angel-Buffy. C'est une relation un peu néfaste pour Buffy, bien que folle amoureuse du beau brun, celui-ci est un salaud qui fait du mal à elle et qui fait du mal à ses amis. Donc ça correspond à l'actualité où on parle beaucoup des féminicides en ce moment, et c'est tant mieux, il faut en parler. Là, clairement, Buffy, symboliquement, était en couple avec un type qui lui faisait du mal, et elle devait s'en défaire. Même si, voilà, et comme souvent dans ces cas-là, elle était encore amoureuse de lui. Donc c'est très très triste, elle doit quitter, tout ce qu'il a rattaché à son ancienne vie, elle va quitter sa maman et la sa famille. Joyce se retrouve seule à découvrir une lettre de Buffy. Il y a eu un plan un peu large, on pouvait voir le haut du décor de la maison, pour ceux que ça intéresse. Ah, ouais, j'ai pas vu. Et puis ça intéresse pas grand monde. Surtout à ce moment-là où on est en pleine chialade. Bah oui. Et c'est Willow qui est en chaise roulante maintenant. Pour une fois, ouais. Ils ont récupéré la même que celle de Spike. Je pense que c'est le direct. Oui, ils vont pas accessoiriste. Donc pause. Ils savent pas où est Buffy. Ouais, petite pause dans la musique. Le Scooby Gang fait un point. Alors il y a les optimistes et les pessimistes. Hein, c'est ça. De deux équipes. Je pense que la Cordelia d'aujourd'hui répugnerait la robe jaune qu'elle est en train de porter. La jupe, pardon. Puis un rappel à la réalité aussi, que Willow a dit bon bah faut qu'on retourne à l'école et tout, enfin, vraiment n'oublions pas qu'on est des adolescents quand même et qu'on doit reprendre une vie normale, quoi. Ça c'est assez réussi aussi. Xander, ça résume bien toute la série en fait. Xander a l'air de regretter d'avoir pas transmis l'info, hein, et il a l'air très mal à l'aise le garçon, le montage ouais, appuie dessus. Ça va aller. Et tout le monde a l'air bien défoncé, quoi. Jai s'est défoncé, Willow blessé aussi. Tout le monde a pris cher pour et ce final. Personne ne voit saison. Buffy en train de les observer de loin. Non. C'est une ninja. Elle a pris la place d'Angel. Alors qu'il ne pense finalement. Qu'à elle. Oui, c'est ça. C'est devenu une stalker. Au début, c'est Angel qui a observé stalker. Parce que voilà, la musique. C'est elle. La musique reprend. Buffy observe ses amis de loin. La confirmation qu'elle a tout perdu. Elle a perdu donc ses amis dont elle se sépare, sa famille, son lycée, tout ça. Enfin, je redis à chaque fois, mais elle s'est vraiment dépouillée. Très très important. C'est bien de finir une saison comme ça. Hein. Et ouais, elle s'est presque, comme vous dites, rapprochée d'Angel en le tuant, quoi. Elle devient elle aussi quelqu'un qui doit se cacher. Ça, oui. Et c'est d'autant plus couillu que la série est en plein essor, elle est en plein succès. Même si justement tout de suite rapidement, on va savoir que ça revient avec le panneau de la ville, quoi. Mais voilà, il y a un double message qui est lancé à la fin. C'est vrai. Puisque les paroles, les paroles donc de la chanson arrivent sur le It's better this way, c'est mieux comme ça. Au moment où, donc c'est la fin de la chanson, au moment où la caméra est sur le panneau You Leaving, vous partez de Sunnydale, revenez vite, come back soon. Donc là, tout est dit. Hein, et oui, c'est la fin de la saison, on part de Sunnydale, mais on va vite y revenir. On va revenir. On a eu beaucoup plus de succès que l'année dernière, donc t'inquiète, on a le financement de saison 3. C'est excellent pour finir la saison aussi, je trouve. Come back soon. L'idée. L'idée est vraiment chouette. Revenez vite. Bah oui, on reviendra vite. Ok. Alors, une dernière chose, on commente jamais le générique fin. Là, on est obligé parce que c'est la première fois dans l'histoire. Ouais, que I need a hug. Le petit démon de mutant ennemi dit qu'il a besoin d'un câlin parce qu'il y a eu beaucoup trop d'émotions. Lui aussi, il a chéré. Dans ce final. Il y aura d'autres détournements par le futur. Oui, hein, bien. Et là, c'était la première fois qu'il y a un détournement. Oh, I need a hug. Trop d'émotions, c'est l'heure de passer à la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Riley, vous avez un truc à dire en conclusion ou pas? Eh ben, je crois que, bon, là, on l'a vu dans des conditions un peu spéciales, mais c'est quand même un de mes épisodes préférés. Enfin, le double épisode, là, je m'en remets jamais. À chaque fois que je le revois, il y a tout, quoi, dans cet épisode. Tous les persos, enfin, tout l'essence de Buffy, la quintessence de Buffy, peut-être, dans cet épisode. Bien meilleur que le final de la première saison, en plus. Oui, mais ça, c'est pas difficile. La première saison a beaucoup t'aimes pas de faiblesses. Moi, j'aime beaucoup le final de la première saison, Prophecy Girl, et là, on est largement au-dessus. Hein. Les enjeux sont bien plus forts. Et puis, juste la relation de Angel Buffy est au top ici. Moi, j'ai un point de vue un peu différent. C'est que je me souviens avoir été très, très ému par ce final à l'époque. Mais c'est pas du tout mon final préféré. Dans le sens où tout ce qui se passe ensuite ringardise un peu la relation Angel Buffy. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui est de l'émotion, mais il y en a peut-être autant dans The Gift. Oui, que dans et Chazelle, j'aime beaucoup la relation entre les deux. Mais pour moi, elle passe en second, voire troisième plan au fur et à mesure que la série progresse, qu'Angel quitte la série pour avoir la sienne. Et même si je suis on pas. On oublie ce moment, tu trouves? On garde en mémoire, mais c'est pas... Peut-être je garde mon point de vue aussi de l'époque où je l'ai vu la première fois, qui te marque justement, tu sais pas tout ce qui va arriver derrière, et du coup, t'as l'impression d'atteindre le... Alors que t'es que à la saison 2, d'atteindre le top du top de la série, quoi. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, quoi. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est le traitement du personnage de Kendra, qui a été installé durant cette saison, et qui est vraiment complètement conclu. Le personnage est tué, c'est retiré. À part au début quand elle est apparue, ensuite son intrigue s'est très vite affadie. Bah, ils l'ont pas vraiment développé. Moi, pour moi vraiment Kendra c'est le brouillon de Faith. C'est-à-dire que Joss Whedon a dû se rendre compte a posteriori qu'il y avait quand même un potentiel à avoir une deuxième tueuse dans l'histoire et il a un peu gâché une première fois et il s'est dit putain mais il y a peut-être quelque chose à faire et c'est pour ça qu'en saison 3 la seconde tueuse. Faith c'est des notes directes, ouais, elle est géniale. Elle aura vraiment un arc qui lui est consacré. Bah, oui, le double de Buffy. Il faut que ça soit développé là. Faut que ce soit une dose toujours différente de Buffy. Oui, c'est ça qui est bien. C'est Kendra est trop bonne élève. Trop lisse. Faith sera l'inverse, ce sera trop mauvaise élève. Dark Slayer. Moi, en conclusion, je voulais parler. Je vais pouvoir parler en conclusion ou pas Alors, moi, je voulais rajouter que. Non, pardon, ça. Et je crois qu'on est coupé le live. Sartman, tu ne peux pas vérifier le live. Déjà, je fais un gros bisou aux gens qui se sont reconnectés au live. Merci d'être toujours là. Je vous vois malgré ces conditions très compliquées. Vous n'avez pas pu l'entendre, mais j'ai parlé beaucoup pendant le commentaire du double épisode de tragédie aussi. Qu'on assistait à une tragédie sur le modèle des tragédies antiques ou des tragédies shakespeariennes que Joss Whedon apprécie particulièrement. Et il y a quelques temps sur Twitter, quelqu'un avait noté que la phrase prononcée, les répliques prononcées par Angel et Buffy, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'armes, tu n'as plus personne, qu'est-ce qui stresse de moi, faisait beaucoup écho à une tragédie justement de Corneille. Oula. Médée. Oh, il sort le bouquin. Médée, donc de Pierre Corneille, donc tiré de la légende mythologique donc de Médée et de Jason. Et Jason, il me semble. Moi je dis Jason. Non, pour le coup je crois qu'on dit Jason parce que. Non, avec le masque de hockey on dit Jason, désolé. On dit ce qu'on veut. Corneille, tout le monde parle de Vendredi 13. Et effectivement donc j'ai relu cette magnifique pièce et j'y vois des parallèles complètement fous entre Buffy et Médée. Donc je vous explique vite fait. Jason, je sais pas si vous voyez Jason et les Argonautes. Ouais, le masque de hockey, la toison d'or. Le type qui va voler la toison d'or et justement qui est aidé à un moment donné dans sa tâche par Médée. Il est sur le territoire d'un roi. Il lui dit viens m'aider d'ailleurs. Qui veut pas le laisser passer ou je sais plus quoi. Très connu de Corneille. Balthazar fut éjecté du podcast immédiatement. Médée est la fille de ce roi et Médée tombe folle amoureuse de Jason et décide de trahir sa famille pour aider Jason. Donc grâce à Médée, Jason arrive à faire ce qu'il a à faire et à récupérer la toison d'or. Il se casse, sauf que après il l'envoie balader Médée. Médée donc qui a tout quitté pour lui se retrouve toute seule. Et là, ce qui se passe dans cette tragédie de Corneille, il a surligné des passages. C'est que Jason a décidé de se marier avec Créuse, la fille de Créon, la fille d'un autre roi. C'est vraiment un connard fini, ce Jason. Et par rapport à Alex, et il a décidé. Quel niveau de c'est du trois fois Alex. Et il décide d'envoyer bouler Médée. Il dit à Médée, dégage, exile-toi, casse-toi. Et là, il y a Nérine. Donc là, dans le passage que je vais vous lire, c'est Nérine. C'est la suivante de Médée qui parle à Médée et qui lui dit Alors c'est des vers, attention, hein, je vais essayer de lire ça correctement, ça rime normalement tout. Tu veux pas une petite bière avant ? Nérine. Non. Forcez l'aveuglement dont vous êtes séduite, pour voir en quel état le sort vous a réduite. Votre pays vous hait, votre époux est sans foi. Dans un si grand revers, que vous reste-t-il ? M'aider, moi. Et finit la rime en disant moi. Voilà, et c'est ça, elle a tout perdu. Et elle va tout perdre, je vous raconte pas à la fin de là. Enfin, si, ouais, s'il te plaît, non, nous raconte pas la fin. Je risque de vous raconter la fin parce que. Il va y avoir une version en animé ou pas ? Et, il faudrait la faire. C'est-à-dire que elle a déjà tout perdu, elle va continuer à tout perdre et elle va suivre ce destin d'héroïne, de tragédie qui, pareil, de se dépouiller totalement. Elle va perdre sa famille, elle va perdre tout, elle va être obligée de s'exiler et son bien-aimé va mourir. Et je vous dis pas ça pour dire que Joss Whedon s'est inspiré de Médée, ce serait quand même qu'on dit ça. Il a pompé carrément, clairement. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vous dire que tout ça, c'est une trame classique de tragédie en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un modèle classique qui fonctionne très bien. Et c'est surtout ça que je veux dire, c'est que Joss Whedon s'est appuyé sur des choses qui fonctionnent très bien. Sa culture aussi lui-même théâtrale a vachement développé. Sa culture shakespearienne. La réplique, tout ce qui reste, moi, là peut-être qu'il l'a lu quand même. Alors, on lui demandera à l'occasion. Elle est forte, cette phrase. Mais ouais, et elle est ultra mise en exergue dans Buffy. Là, elle est au milieu d'un acte. On est loin de la fin de l'acte. Mais c'est important de noter ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui fonctionnent, et notamment les règles de la tragédie, qui fait que le héros doit se dépouiller intégralement pour vivre, hélas, pleinement sa déchéance. Et c'est ça qui arrive à Buffy, c'est ça qui se passe à Médée, c'est ça qui arrive à plein d'autres personnages de tragédie. C'est ça que je voulais noter. Un joli parallèle. Ce soir. Pour parler de Becoming. C'est l'heure de passer à la rubrique de l'invité, hein ? On fait ça ? C'est parti ? C'est parti. Pourquoi Buffy, c'est génial ? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça ? Buffy, elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires ! C'est badass ! Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy, c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy, ça vous donne du boulot. Buffy, c'est génial. Et parce que le bronze, c'est trop cool. Buffy was awesome ! Rubrique de l'invité. Oh oui, de l'invité, Balthazar. Hey, donc Balthazar, réalisateur de films, de vidéos, de clips, tu vas nous raconter. Alors, tout ça. Tout sauf de la fiction pour l'instant. Ah d'accord, mais donc ouais, t'as des projets de fiction dont tu as... Oui, par contre, je développe une série fantastique. Mais quand tu dis tout, donc c'est plus... Dans quel ordre, Ah non, parce qu'avant, il y a les questions rituelles, Riley. Oui, c'est vrai, on parle direct de ce que tu fais. Oui, il y a les trois questions rituelles. Comment tu as découvert Buffy ? Eh bien, j'ai découvert Buffy tout simplement à l'école, au lycée. Ça passait le jeudi à l'époque, hein, c'est ça ? Vendredi. Vendredi. Ouais, il y a eu vendredi et samedi. Il n'y avait pas le jeudi au tout début. Non, jeudi, c'était Contes de la Crypte. Hein. Parce que j'ai un souvenir d'un groupe d'amis que je fréquentais mais plus occasionnellement, mais que j'appréciais, qui disait « Ce soir, c'est Buffy ». Alors, dans mon souvenir, c'était « Jeudi, c'est Buffy ». Alors, peut-être qu'elle disait « Vendredi, c'est Buffy ». Et en fait, c'est tout bête, mais cette espèce de petite lumière dans les yeux que ça provoquait chez ses potes, ça m'a donné envie. Tu connaissais pas. Voilà, je me dis, c'est quoi ce rituel, ouais, machin, ouais. Et puis c'était un groupe de filles et je me disais, ça va être une série un peu girly, machin, tu vois, les clichés qu'on peut se faire à l'époque quand on est ado. Et je me souviens, j'ai regardé une première fois et je me suis dit, ah, c'est bizarre, l'image est pas très belle, les effets spéciaux sont pas terribles, etc. Et je me suis un peu moqué de le lendemain en mode, il est nul votre rendez-vous. D'accord. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai été quand même aimanté dès la semaine d'après, j'ai eu envie de re-regarder. Et là, je sais pas, c'est la magie a opéré et la semaine d'après, j'étais le premier à dire ce soir c'est Buffy. C'est une super série. Quel est ton épisode préféré ? Eh ben, je me doute que les réponses vont souvent vers soit l'épisode musical, évidemment The Body, etc. C'est évidemment des épisodes que j'affectionne particulièrement. Moi, ce que j'aime en particulier dans la série comme thématique, c'est tous les faux semblants ou les fausses réalités en fait. On te fait croire un truc et ensuite on te le désamorce en disant c'est pas ça. Par exemple, j'adore l'arrivée série de Dawn où on nous l'impose comme si ça avait été là depuis le début. Et rien dans l'épisode ou quasiment rien ne nous dit il y a un truc bizarre, n'est-ce pas? Et toi, t'es là comme un spectateur, comme un con. Mais attendez, je suis passé à côté de la série depuis tout ce temps-là. T'as loupé une saison entre temps, tu sais pas. Et du coup, par exemple, j'aime beaucoup l'épisode Superstar de la saison 4. Qu'on a commenté avec Jonathan. Avec Jonathan qui fait croire au monde entier que c'est une super vedette, incroyable, etc. Qui est Kinouris, il prend la place dans le générique aussi, il prend une place dans le générique. Exactement. Donc c'est quand la série aborde cette thématique que je prends le plus mon pied, en fait. Et du coup, un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode de 17 de la saison 6. Normal Again. Oui. Normal Again, oui, avec l'hôpital psychiatrique. Normal Again, quand Buffy finalement s'imagine qu'elle a peut-être tout imaginé. Et ouais, ça me permet de rebondir sur Normal Again. J'en ai pas parlé pendant l'épisode, mais à un moment donné, elle dit I'm not crazy à sa mère pendant la dispute avec sa mère. Et oui, et ça remarche complètement. Alors évidemment, on imagine qu'à ce moment-là, quand ils ont fait Becoming, ils n'avaient pas idée de l'intrigue de Normal Again, mais ça fonctionne complètement parce que dans Normal Again, on nous dit quand Buffy, la première fois qu'elle a tué un vampire, elle l'a dit à ses parents. Et ses parents l'ont envoyé faire un petit tour dans un hôpital psychiatrique pendant quelques semaines. Et là, ça peut répondre à ça. Elle dit non, là, cette fois, je suis pas folle. Là, je te dis la vérité. Voilà. Juste une parenthèse que je voulais refermer. T'as raison, quand la réplique est survenue tout à l'heure, ça m'y a fait penser. Il y avait un petit écho à Normal Again dans Becoming. Et donc, Normal Again, là, j'adore parce que c'est vraiment un épisode qui va très très loin. Où même tout est rationalisé dans le sens de la folie de Buffy. C'est qu'effectivement on peut s'imaginer qu'elle s'est tout inventée. Tout fonctionne, ouais, ça marche. Et puis ta copine qui devient lesbienne, ouais, déjà c'est un peu bizarre comme scénario. Et ta sœur, mais t'as jamais eu de sœur. Et là du coup, ça nous renvoie en tant que spectateur nous-mêmes quand on a découvert Dawn. Donc et moi-même en fin d'épisode, enfin avant le retournement final, je commençais à me demander si effectivement tout n'avait pas été inventé. Ça te laisse le doute, en plus ça termine sur ça te laisse le doute, mais ça te donne le choix aussi. Oui, évidemment. Ouais. C'est ce qu'on en a parlé aussi quelques fois, notamment avec Carole, cette notion de pacte fictionnel. Quand on est spectateur d'une série, on choisit d'accepter d'être croyant, de croire en ce pacte, de le valider. Et Normal Again te le met au défi. Tu sais, parce que ça c'est bizarre, donc tu pourrais pas le croire. Et c'est à toi, spectateur, de dire chelou. Je fais le choix. Ok, ça n'a pas de sens, mais je fais le choix d'y croire. Un peu ce que fait aussi Giles dans The Wish, quand Giles du monde parallèle décide de. Mais oui, c'est surpuissant. Ouais. Décide de croire ce que sous-entend Cordelia, qu'il y a un monde meilleur à comment côté. Comment tu crois que ton monde. Pourquoi ton monde serait mieux que le mien, un truc comme ça. Elle dit ça, Agnès, y croit. Ça, ouais. C'est, ouais. Bah, voilà encore un de mes épisodes préférés, justement, de réalité. Saison 3, excellent. Ouais. Quand tu ne regardes pas Buffy, tu fais plein de choses passionnantes également à Balthazar. Je regarde Angel. Tu regardes Angel. Un peu de Charmed aussi. Pas trop. Visiblement. Alors, n'allons pas croire que ça vient de là, Balthazar. Ça vient de là, non. Ma mère tenait beaucoup à ce prénom, Balthazar. Et donc, tu réalises, donc là, tu nous parlais de ça un petit peu avant qu'on ouvre les micros, tu as même un projet de série fantastique, dans les cartons. Exactement. Alors, parce que je suis aussi un énorme fan de Lost, qui m'a beaucoup inspiré. Retire ta main de ma cuisse. T'as tout compris. Et donc j'ai un projet de scénario de série fantastique sur les paradoxes temporels. Ah. D'accord. Avec que t'as déjà écrit donc. Que j'ai déjà écrit. Et que t'as présenté quelque part. Que j'ai déjà présenté plusieurs reprises et qui est entre les mains d'un producteur. Mais cool. D'accord. Parce que du coup tu réalises, ce serait ta première fiction. Tu réalises pas de fiction en temps normal. Oui, moi j'ai fait ma formation en tant que cadreur making of. Ensuite, j'ai fait du documentaire, j'ai fait énormément de montage vidéo pour des habillages d'exposition dans des châteaux, etc. Je réalise des clips musicaux, réalise des publicités. Et tu touches à tout, ouais. Et maintenant, le prochain saut, c'est la fiction, ouais. Et alors, est-ce que t'en as à quelle étape? Parce que c'est passionnant, la fabrication d'une série. Là, c'est encore que de l'écriture. Il y a déjà des non, c'est encore que de l'écriture avec que des producteurs un peu trop français sur les bords qui te disent. Ah non, mais ça, les gens, ils vont pas comprendre. Les spectateurs, ils sont pas prêts. Alors, du coup, ils ont une idée d'une chaîne, d'un diffuseur déjà pour te parler de spectateurs ou pas encore? Non, ils ont une idée du spectateur en général. Du spectateur de base, moyen. Voilà, c'est-à-dire que quand tu leur dis oui, tel personnage, il a remonté le temps, mais il ne s'en souvient pas, il va le redécouvrir par lui-même, par exemple. Et ben ça, le spectateur, c'est pas possible. Le producteur te dit ah là là, mais non, c'est trop compliqué pour le spectateur. Toi. Et donc toi, tu dis quoi alors? Tu essayes de te battre pour cette idée? Et ben ce qui est bien, c'est que plus les années passent, plus j'ai des arguments. Parce que par exemple, il y a la série Dark, sur les passages temporels, etc., qui est extrêmement compliqué quand tu dois l'expliquer. Donc série allemande qui est diffusée sur Netflix notamment. Voilà. Qui traite énormément du voyage dans le temps avec plusieurs époques qui interagissent entre guillemets. Et c'est vrai que si tu dois le résumer, c'est assez compliqué. Mais et à voir, par contre, c'est limpide. Donc, même Stranger Things, l'histoire d'un monde parallèle qui se superpose et tout, ça, c'est le genre de truc qui, encore 5 ou 6 ans, c'était difficile à défendre. Maintenant, on a les armes pour dire, bah voilà, regardez, ça existe. Non seulement c'est fluide et en plus ça cartonne. En plus, c'est les gens qui décident maintenant aussi. Enfin, tous ces producteurs, c'est des gens aussi qui ont grandi avec des histoires de SF comme ça. Donc peut-être c'est plus le temps passe, plus ils sont ouverts sur vieux, ce genre. Plus les vieux ont notre culture et nous-mêmes on devient vieux. Parce qu'on est nous-mêmes les vieux. Ouais, donc, je pense que du coup, ça change vachement de perspective. Enfin, on peut vraiment espérer, comme tu dis, sortir une fiction sur les paradoxes temporels à essayer de toucher un large public en tout cas. Quoi. Non, mais pour donner un exemple, j'ai un personnage qui peut figer le temps et l'autre qui peut remonter le temps d'une minute. Et là, on me dit, ah non, mais il vaudrait mieux qu'ils aient tous le même pouvoir, sinon ça va être trop compliqué. Alors, au contraire, tu essaies de lui expliquer qu'un pouvoir permet de raconter quelque chose du personnage. Donc, c'est bien. Ça a intérêt à être diversifié. Oui. Bah super projet en tout cas. Ouais, donc... Et sinon je me mets souvent nu pour les podcasts comme ça. D'accord. Ça c'est vrai qu'il faut mieux prévenir. Ah nu. Depuis le début je fais l'erreur. Ouais, non, je suis habillé hein moi. On était surpris au début. Les gens n'ont pas s'habituer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on se fait striker plusieurs fois en fait. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Il n'y a pas de webcam. Et est-ce que du coup pour continuer un peu sur Buffy, est-ce que inconsciemment ou consciemment tu réinjectes genre dans une série comme ça que tu écris? Est-ce qu'il y a du Buffy quelque part ou alors dans tes personnages ou est-ce que comme est-ce que toi on pourra dire non, que la savez... série de Balthazar s'inspire de Buffy comme Joss s'est inspiré de Corneille pour faire ses répliques? Mais non, mais là où Buffy m'a le plus inspiré, c'est que par exemple c'est avec Buffy que j'ai compris qu'il y avait plus de pubs aux États-Unis qu'en France. Ouais, et parce que je trouvais qu'il y avait à intervalles réguliers, il y avait des petits cliffhangers comme ça, à intervalles réguliers. Tu te dis ah mais d'accord. Et du coup moi-même en écrivant mes épisodes, je me suis mis à mettre des petits cliffhangers à intervalles réguliers et pour le dynamiser à la Buffy. Et pareil, bon, après quand je projette la façon dont je réaliserai ces épisodes, je me visualise souvent la fin et je trouve que là où Whedon est aussi un magicien, c'est sa manière de faire arriver le carton final executive producer Joss Whedon. Il a toujours soit il est cache, soit il est un peu en fondu, soit il est tardif, soit il est brutal, etc. Et ça raconte toujours un truc supplémentaire et ça rajoute une dimension supplémentaire à la séquence. Le fait de couper à ce moment-là pile poil et tout, ça exactement. Vrai, c'est bon travail. Et rien que pour ça, je rêve de réaliser mon premier épisode pour faire un carton à la Whedon à la fin. Le chat, ils sont fans du projet, donc t'as convaincu les gens d'aller voir Dark. On te demande si ce sera une série d'anthologie ou plutôt feuilletonnante. Non, alors c'est ce qu'on appelle une série ultra feuilletonnante. Ultra feuilletonnante, ouais, d'accord. Chaque épisode amène à l'autre avec un suspense, etc. Et surtout, c'est une série à mystère, c'est-à-dire que à l'instar de Lost, ça démarre sur un énorme mystère qui sera révélé que progressivement à l'aide d'indices. Et par contre, à l'opposé de Lost, je connais déjà la résolution du mystère et je ne serais pas en galère pour inventer une fausse fin. Ouh là là, mais t'étais bien parti là. C'est un faux fan de Lost. Basculer dangereusement, Balthazar. Là. C'est quoi? Alors, c'est sous-entendu là? Non, je ne dis pas ça. J'aime beaucoup la fin de Lost. Ah merci. Mais effectivement, t'as raison. Ils n'avaient pas prévu la fin. Voilà, ils ne connaissaient pas la fin à l'avance. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai prévu à l'avance. Bah chouette. Six saisons à l'avance donc. Six saisons. Et un film. qui peut être intéressant. Si on te dit ta série ça a cartonné, il faut que tu, entre guillemets, tu brodes, t'es obligé de développer des trucs que t'as pas écrit. Est-ce que tu vas retomber sur tes pattes derrière? Est-ce que tu vas pas tomber sur un acteur comme James Masters qui du coup chamboule un peu tes plans? Tu te dis putain, mais là, tu Spike, il faut que je le rajoute dans ta série. Tu vois, prépares ta transition pour ton spin-off, pour ton reboot de la comic book de Spike. Non, tu pourrais. Oui, c'est vrai, mais non, je pensais pas du tout à ça. C'est juste que là, t'as une idée. On compare à ces mecs qu'on fait Lost, mais toi, t'as une idée concrète de comment va finir ta série. Mais si tu es amené, si t'as du succès, ce que je te souhaite, tu développes, t'es obligé de faire plus d'épisodes que t'as imaginé. Tu vois, t'es obligé de trouver des nouvelles idées. Et peut-être tu vas un peu avoir des surprises, te laisser entre guillemets guider par la fiction qui se fait au fur et à mesure. Tu vois, donc ça peut chambouler. J'écris avec un ami en fait qui m'aide énormément à me fournir de nouvelles idées, etc. Il décuple ma productivité, et justement on s'est rendu compte qu'en fait on a souvent tendance à vouloir délayer les éléments pour plus tard. On se dit c'est une bonne idée, on la garde pour un peu plus tard, et du coup on se retrouve à diluer le truc en la remplissant avec des choses un petit peu moins bien, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, si on resserrait le tout et qu'on livrait tout de suite, eh ben notre plus grande peur c'était d'avoir plus rien à raconter après. Derrière, ouais. Et en fait, le fait d'y aller à fond, ça provoque un effet où on trouve quand même quelque chose à redire après. Au contraire, ça te rebooste complètement. Ça rebooste et ça décuple notre envie de raconter quelque chose. Il y a une vraie tendance entre guillemets dans les comics aux États-Unis, justement, les séries. Les mecs tuent des personnages très très vite, justement créent plein de choses que tu t'attends à voir très tard. Traîner, alors que non, justement ils te font et ça fait prendre des directions. Et là c'est une très bonne transition avec le comics Buffy par contre. Bah, je sais pas si c'est parce la que c'est fin, un peu ce traitement si c'est la fin du quart d'heure Balthazar, mais. Est-ce qu'on a tout demandé à Balthazar Riley? Voilà, s'il y a des questions sur le chat pour Balthazar, allez-y. Hein. Tout le monde est très enthousiaste en tout cas sur ce projet. On fera des commentaires audio sur tout. On fera quand même des commentaires audio. on va passer à la suite alors, Riley, vous êtes prêt pour votre site M Buffy? Tu vas aimer ça? Ah, le site M Buffy, oui. J'ai préparé. Prêt? Il y a des jingles, oui, je suis prêt. Eh ben, je balance. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ce jingle. Tout à fait. C'est sûr. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Riley, j'ai envie que ce soit c'est vous moi qui commence. Je commence du coup. Vous allez nous parler d'une bande dessinée. Alors, je vais vous parler. Oula, j'ai tapé un micro comme d'hab. Je vais vous parler de Buffy contre les vampires en comics. Connais pas cette série. Donc, il y a des chances qu'on aime si on aime Buffy. Du coup. Ah, si, voilà, je suis en pile dans la thématique. Donc, en fait, aux États-Unis, chez l'éditeur comics Boom Studio, ils ont récupéré les droits de Buffy après la fin de la série, la première série comics qui va jusqu'à la saison 12. Donc qui est canonique, enfin ou semi-canonique, on parlait un petit peu avant l'enregistrement d'ailleurs. Oui, j'aurais tendance à dire semi, mais... Qui était chez Dark Horse, c'est ça. Qui était chez Dark Horse, voilà. Et donc là, ils ont relancé une série qui est une sorte de reboot, en fait. C'est écrit par Jordi Belair et dessiné par Dan Mora. Jordi qu'on appelle le prince. Et c'est une femme, donc c'est une princesse même. Et c'est une coloriste qui se lance dans le scénario. Normalement, elle fait des couleurs pour les BD, et là, elle fait du scénar. Et Dan Mora, c'est un dessinateur plutôt cool. Les dessins sont très, très réussis. Oui, moi qui suis pas toujours fan des crayonnés américains. Là, ouais, c'est un mec qui commence un peu à être à la mode. Il passe chez DC Comics maintenant et tout. Non, ça pas mal du tout. Et donc, c'est tout le parti pris de ce comic, c'est de faire un reboot, entre guillemets, de Buffy. Donc, c'est-à-dire que ça repart à zéro, mais on est en 2019. Ils ont des téléphones portables, des iPods. Il y a tout ce... c'est complètement ça se passe aujourd'hui. Et du coup, mais Buffy, Willow, Xander ne se connaissent pas. Elle vient à peine de rencontrer Giles. En fait, c'est ce qu'on disait un peu juste avant, c'est qu'ils ont décidé d'aller beaucoup plus vite et de bouleverser tout ce qu'on pourrait attendre de la série Buffy. Donc ça n'a rien à voir. Donc on a le même point de départ, mais pas du tout la même. Ouais, les mêmes et arcs. Encore le point de départ est déjà modifié. Par exemple, qu'est-ce qui change dès le début ? Buffy a déjà un travail. Elle est au lycée, mais elle travaille déjà dans un fast-food. Willow est déjà homosexuelle. Et du coup, ouais, d'accord, oui, on se coupe de. C'est à la fois très contemporain, très justement dans l'ouverture, tout ça, sauf qu'on ça nous coupe quand même, par exemple, d'un parcours de personnages tels que Willow, qui du coup t'ont tellement chamboulé. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des choses oui, plus intéressantes derrière. Ouais. Et là, par exemple, Willow, dans cette BD, n'est pas le personnage le plus intéressant, du coup. D'accord. Et alors, je vois que par exemple, qu'ils ont des téléphones portables, donc c'est ça, c'est ils peuvent s'appeler, il y a du texto, il y a du SMS, il y a tout ce que tu veux d'aujourd'hui. Et c'est du coup. C'est un vrai nouveau regard, et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Eh ben, du coup, le problème qu'il y a eu dans cet épisode qu'on vient de voir n'aura jamais lieu. Là, le fait que, que Willow redonne son âme à Angel. Et exactement. Que du coup, ça chamboule tout. Et là, elle pourra le faire en FaceTime. Et... Bah, ça oblige les scénaristes à avoir d'autres idées. Comme d'hab, ils auraient trouvé qu'il n'y avait plus de batterie ou il n'y a plus de réseau. Ça arrive tout le temps, ça. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pour continuer sur les histoires, du coup, c'est pas construit comme Buffy. Il n'y a pas de Monster of the Week. Il y a. T'as l'impression de lire une grande histoire feuilletonnante. Par exemple, là, Spike et Drusilla sont déjà là. C'est eux les premiers ennemis qui sont en train de préparer un truc sur Sunnydale. Anya est déjà là, dans un autre rôle, mais Anya est déjà là. Ils ont vraiment changé. Il y a que, à la limite, Cordelia est déjà là, mais elle est hyper sympa, elle adore tout le monde. Elle veut quand même se présenter aux élections du lycée, mais ça n'a rien à voir avec le personnage... C'est dommage là, parce que le côté bitchy de Cordelia. C'est ça, en fait, ils ont fait des choses que par contre Buffy et Giles sont assez similaires en tout cas pour l'instant avec les personnages de la série. Donc c'est assez rigolo à lire, c'est plutôt bien dessiné. Il y a, je te dis pas, il y a Angel, évidemment là il change pas, il stalk dans l'ombre et il est derrière comme ça. Bah il a pas beaucoup changé, Mais on le voit pas, on voit juste à la fin, je crois, de ce tome. Et Joss Whedon là. Alors c'est cautionné par Joss Whedon, je crois, mais après il a rien à voir. Là il est crédité en tant que créateur de Buffy seulement. D'accord. Il a pas lancé quelques idées. Ça, je sais pas. Je crois pas qu'il est soit lié. Par contre, ils ont quand même bien mis son nom en avant sur la couverture, alors que c'est pas du tout lui qui a écrit en fait. D'accord. C'est excitant quand même. C'est très prenant. C'est juste cette caractérisation qui m'a un peu gêné sur. On sacrifie du coup plein de choses. Du coup, t'as l'impression de revoir les mêmes mais différents. Et ce qui est bien, c'est quand même qu'ils ont gardé. C'est pas un reboot avec des nouveaux acteurs. Ils ont quand même gardé les visages des comédiens et c'est beaucoup plus. Enfin, c'est mieux fait que dans les comics qui étaient sortis avant, qui étaient sur les dessins pas toujours. Oui, top. Les dessins étaient pas terribles. Hein. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que j'aimais pas trop. Sur les comics. Oui, j'ai Buffy dit les comics américains, mais je voulais dire les comics de Buffy. C'est vrai que les dessins c'était pas le point fort des séries précédentes, et là ça devient vraiment un point fort. Peut-être un bémol qui est aussi sur la caractérisation, c'est que les personnages féminins se ressemblent pas mal. Genre par exemple Buffy, sa mère Joyce qui est là, qui a un mec et tout. Ça c'est génial aussi, tout le développement de Joyce. Il y a un beau papa. Il y a un beau papa dès le début qui c'est est hyper sympa, qui est plus jeune que Joyce. Il y a tout un et qui est hyper sympa avec Buffy. Enfin les personnages féminins, Joyce, il y a Harmony, ils se ressemblent. Si c'est il y a quatre blondes qui se ressemblent un peu, des fois en lisant la BD il y a un truc bizarre sur ça quoi. Ouais. Ça c'est un peu dommage. Ouais, ils vont développer. Moi ma grande question c'est y aura-t-il mon personnage préféré Kendra? Ah ça je ne sais pas, elle y est pas. Il faudrait déjà au moins que Buffy meure. Et voilà, non, c'est intéressant, c'est enthousiasmant comme je disais, ça donne envie de voir la suite, il y a un très bon cliffhanger qui du coup va amener pas mal de surprises je pense. Et je vous invite parce que Panini ils ont déjà fait le coup, ils ont pas sorti tous les comics Buffy avant, ils ont arrêté avant la fin. Ah ça marchait pas. Bah, parce que ça marchait pas en fait, c'est ce que nous avait dit Aurélien, un mec de chez Panini. Et que là, bah, du coup, si personne n'achète ce tome 1, ils sortiront jamais la suite et c'est un peu dommage. La suite qui apparemment j'ai pas lu, mais ça vaut vraiment le coup. Ils ont même fait une série Angel dans le même genre, donc en mode 2019. Et là, ça vient de se terminer, je crois, il y a un crossover carrément entre les séries. Alors rappelle le titre, parce que Ingrid nous demande le titre sur le chat. Et bah c'est Buffy contre les vampires, l'enfer du lycée. Et Bigam est persuadé que ça va être une histoire d'univers parallèle en fait. Oui. C'est pour ça que les gens sont différents. C'est ça que. C'est fort possible. C'est pas du tout amené en tout cas. Qui pourrait se rejoindre avec la trame qu'on connaît. Ce serait pas pas une mauvaise idée. J'ai une question. C'est tu dis qu'il y en a aussi une sur Angel, mais du coup c'est le même Angel que dans cette bande dessinée là, ou c'est oui, aussi non, c'est le Angel de. Il pourrait y avoir des crossovers entre. Et bah ça y est, c'est déjà fait. Il y a un crossover qui s'appelle Hellmouth qui vient de terminer. Apparemment c'est pour ça c'est qu'on voit peu Angel dans ce volume. En fait, à chaque chapitre entre guillemets tu retrouves des persos, donc t'es assez content de les retrouver. Et il manque toujours Angel. Et tu dis quand est-ce qu'il arrive, et il arrive à la fin pour être témoin d'un événement important. D'accord. Et ça n'a n'a rien à voir avec le potentiel reboot qui a été annoncé. Non, mais si c'était un reboot traité, évidemment avec d'autres comédiens, mais si c'était traité comme ça, je pense que ce serait vraiment plus intéressant, parce que ça te laisse montrer ce que peut être Buffy en 2020, et comme tu dis, avec les téléphones, avec les technologies de maintenant, ça change. Et donc là, c'est le tome 1 qui vient de sortir en français, c'est ça? En original, ils en sont à combien de tomes? Il y en a plusieurs, ou il y a que celui-là? 700. Non, ils en sont à l'épisode 13 ou 14, je crois, donc ça fait peut-être l'équivalent du tome 3. D'accord. Sachant que je te dis, il y a Angel plus un crossover qui est une série à part qui sortira sûrement en français. D'accord. Ça fait partie des surprises ou... Non, c'est parce que c'est Buffy. Ouais, là, il Balthazar est en train de regarder les dernières Balthazar pages. Balthazar montre les couvertures et on voit. En fait, il y a c'est les illustrations. Ouais, j'ai pas regardé la fin. Il y a des couvertures avec les personnages version vampire. Ouais. Et en fait, c'est parce que Buffy a un peu des visions aussi dans cet univers. En tout cas, elle voit ses amis morts ou en vampire. Bref, allez-y, hein, jetez-vous dessus. Ça vous a plu alors, Riley? Ça m'a bien plu, ouais. J'étais surpris parce que je pensais pas que ça allait être. Enfin, il y a. C'est le premier tome, il y a quand même des bémols, mais je vous invite à lire la suite et je pense que ça vaut le coup. Et ben c'est drôle parce que moi aussi je vais parler de comment de Buffy, en livre, d'une œuvre de l'univers étendu Buffy, on peut dire ça comme ça, donc d'un livre Buffy, d'un livre Buffy. Je vous ai déjà parlé de temps en temps des romans Buffy, vous vous rappelez? On a même fait venir un invité spécialiste des romans Buffy. Oui, ces romans qui étaient publiés là chez Fleuve Noir, des tout petits romans de poche venant de Buffy. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc c'est pas de la très grande littérature, mais c'était rigolo de retrouver nos personnages. Là j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une compile, édité chez Milady. C'est ça, hein, Milady. C'est ça, Brajan Milady. Ils ont regroupé plusieurs livres dans des gros tomes. Il y en a trois. Donc là, c'est le tome 2, dans lequel j'ai trois histoires de Buffy. Donc j'ai Cauchemar à Sunnydale, Immortel et Les Fautes du Père. Et je vais vous les lire en direct. Les lire immédiatement en direct. Non, et surtout j'ai lu la première Cauchemar à Sunnydale et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle ce soir parce que c'est une histoire qui se passe juste avant Becoming. C'est très clairement dit. Il y a plein d'indices. En plus c'est une histoire qui est ultra référencée parce qu'il y a des références à un épisode de Buffy ou à un personnage à chaque page quasi pour bien nous dire hey, vous êtes dans Buffy tiré de la série télé, hein, vous êtes vraiment là. Et là très clairement donc il y a l'histoire de Angel qui a perdu son âme, qui est devenu Angelus méchant. Cordelia et Alexander qui sortent ensemble, enfin, c'est très clair, on est juste avant Becoming et il se passe des trucs super, donc c'est pour ça que j'en ai parlé pendant les commentaires de l'épisode. On voit notamment comment le trouble Drusilla, Spike, Angelus fonctionne pas du tout bien. Il y a de la jalousie partout et il y a même, on le devine quand même un petit peu. Oui, il y a même dans le bouquin on voit Spike qui surprend Angel dans le lit de Drusilla, donc ça lui plaît pas du tout. Il y a une petite fille, donc là ça fait penser à Entretien avec un vampire, donc il y a une petite fille vampire parce que Drusilla a des envies d'enfant. Mais non. Il y a une petite fille vampire qui apparaît, donc qui va jouer un rôle, qui va essayer de foutre la merde dans encore plus. Juste des justes. Dans ce trouble que Spike va essayer d'utiliser contre Angel tout ça. Et c'est super parce que ça marche, ça fait complètement le lien entre dans les ellipses, entre les épisodes. Oui. Ça raconte très bien, ça bouge très bien les trous qu'il y a entre les épisodes que nous on connaît très bien. Donc et c'est complètement crédible. Donc en gros, si je dois vous pitcher l'histoire, un petit pitch, t'as préparé un petit pitch ou pas? Non, je vais totalement l'improviser. Il va dire taupe. Ok. c'est une histoire de. En fait, tout le monde fait des cauchemars et on va se rendre compte que les cauchemars sont reliés entre eux. Et que, donc, quand je dis tout le monde, c'est Sunnydale. Hein. La population entière de Sunnydale fait des cauchemars. Il y a ce mélange de. On est dans des cauchemars. Et on est un petit peu, on devient zombie à cause du cauchemar. Il faut pas qu'on s'endorme parce que sinon on va perdre notre conscience. C'est un peu compliqué. C'est rigolo et comme je vous le disais hors micro, c'est super parce qu'on retrouve nos personnages qu'on adore. Il y a Jonathan, il y a Larry, il y a Snyder qui joue. un rôle très important. On en apprend beaucoup sur Snyder, ouais, ouais. Sur le background, la jeunesse de Snyder même. C'est un démon ou pas alors? À l'époque où il ressemblait déjà à ce qu'il ressemble. Exactement. Il a joué dans Star Trek. On apprend pourquoi il est devenu si méchant. Voilà, il y a des raisons à ça. Il avait des problèmes avec sa maman notamment. Est-ce qu'il avait une relation amoureuse avec le maire? On en parle sur le chat. C'est vrai qu'il y a eu les livres audio et peut-être qu'il fait partie de ces livres audio qui ont été lus par Claire Guyot là. Je sais pas, j'ai pas poussé la recherche. Je sais pas si Cauchemar. En tout cas, Cauchemar Sonidel, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est inédit. Il avait jamais D'accord. été édité en fleuve noir à l'unitaire, ou... voilà. Et il est inédit dans ce recueil. Ardigan, ouais, David nous dit sur le chat. Ouais, exactement. Et donc, il a été écrit. Il faut que je cite l'autrice quand même par Kristen Bayer, quand même l'autrice. Non. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis en train de relire mes notes que j'ai absolument pas suivies. Si, il y a aussi un étudiant qui vient donner des cours particuliers à Buffy, un étudiant un peu beau gosse, tout ça, bon, ça c'est marrant. Il y a plein de trucs très cool. Il y a donc ça, le trouble, j'en ai parlé. Snyder, j'en ai parlé. Non, on est bien. Et voilà. Et on va très très loin dans l'histoire du maire, parce qu'on apprend pourquoi le maire en veut à Buffy, pourquoi le maire demande à Snyder de virer, de se débarrasser de Buffy. Ça, c'est clairement dit dans le bouquin. Donc, on sait. Ce n'est pas canon, donc, le bouquin. Mais ça marche totalement. Voilà, je vous dis, ça utilise formidablement les trous laissés entre les épisodes. D'accord. Et voilà. Je le répète, c'est pas de la grande littérature, mais ça, c'est quoi? C'est 150-200 pages. Ça se lit très rapidement et c'est très distrayant. Voilà, Cauchemar à Sunnydale. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de ce podcast, en fait, messieurs? C'est J'ai déjà mis mon manteau. Hein. Ben, je crois. T'étais rapide, en tout cas. J'essaie de rien à tout. Le chat. Merci. On fait des bisous. Chat. Merci, les gars. Les en tout cas, c'est une super émission. Je vois pas on voit plus bien les noms. Oh, attends, on peut. Ah, on a été. Comment on dit? Si, non, il y a Anna, Masterfish, David, Sofiane, Ingrid. On vous fait des gros bisous à tous. Vous êtes les plus courageux parce que être resté là malgré le double, triple strike. Franchement, ouais. C'est super. Vous êtes incroyables. Des auditeurs comme vous, on adore ça. Bravo. Bravo, vous êtes. Ne changez rien. Vous êtes forts. En tout cas, j'ai passé un moment délicieux. Eh ben, c'était super. Ouais, c'était très super. Excellent épisode. Je pense qu'on a appris. J'espère qu'on a appris des choses à nos auditeurs. En tout cas, nous, on a passé un super moment. On fera mieux à la technique la prochaine fois. On va revenir à l'ancienne mode, hein, webcam et tout. Hein. Oui, faut que j'achète une webcam. Si vous avez des vieilles webcams qui traînent. On cherche une vieille webcam pour refaire l'installation à l'ancienne. Parce que sinon, moi, je cherche une vieille tout court. Pensez. Voilà, si vous avez une vieille. Ou de la cam, effectivement. Envoyez-nous ça. À l'adresse suivante. Personne n'a trouvé l'énigme d'ailleurs. C'est le point. Si, moi j'ai deviné. Ah, bon, on va couper les micros et puis on va voir si Balthazar a gagné l'eau. On partira avec des photos ce soir. C'est ça. Donc pensez à essayer. On va faire un petit post. De toute façon, tu vas faire un article avec l'énigme. Je vais faire ça du coup. Ouais. Essayez de répondre. Il y a des lots incroyables à gagner, on le répète. Pour une fois qu'il y a des lots, d'habitude on promet des gros bisous. Tout. Enfin, là, il y a du cadeau. C'est du vrai cadeau, les gars. C'est vrai en plus. Des gros coucou. Donc, on vous embrasse une dernière fois. On vous demande. Parce qu'on est des gros crevards, de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ah oui. Des commentaires, plein de N'hésitez commentaires. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre 4,9. Sur les internets et tout ça. Et on se dit à très bientôt donc pour un épisode de la saison 3. C'est ça. On ne sait pas encore lequel. Moi aussi, c'est tout vu. On ne sait pas encore quand, mais. Moi je sais. On le fera, sans aucun doute. Allez, des gros bisous à tous. Salut. Salut. Il y avait grave une énigme, David. T'as tout loupé. I need a hug.